السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, avant de commencer le cours inshallah ta'ala, je voudrais savoir si c'est possible, yani je parle avec les admins, c'est possible d'ouvrir l'inspeak. Parce que chez moi aujourd'hui il ne veut pas s'ouvrir. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le pato, qui sont en train d'attendre, donc même chez nous. Taïeb. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'inspiration. Ça ne fonctionne pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. En cette soirée du samedi 20 Muharram 1430 de l'Hijr, ce qui concorde avec le 17 janvier 2009, nous sommes toujours avec l'Aqida al-Wasitiya. Nous sommes au deuxième tome, 29e cours. Nous sommes toujours au chapitre des 12 grands événements qui auront lieu le jour de la résurrection Yom al-Qiyam. On a parlé déjà de 7 événements. Le dernier c'était quoi? Le premier c'était que les âmes allaient retourner vers leur corps. Et le septième, c'était que Allah Azza wa Jal jugerait les gens le jour de la résurrection. Le huitième aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est, on va parler du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle aussi la vasque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si on a le temps, on parlera aussi du neuvième, qui est que les gens traverseront le sirat, ce qu'on appelle le pont, que les gens traverseront le pont. Si on n'a pas le temps, on va s'arrêter au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit: wa fi arasat al-qiyama al-hawd al-mawrud li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Cheikh Ibn Taymiyyah a dit que dans les cours de la résurrection, dans les cours de la résurrection, il y a entre autres le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin l'Arhmou dit: Al-Arasat, les cours pluriel de cours, les cours avec S, pluriel de cours, jam'u arsatin. Wa hiya al-makan al-muttasa' bayna al-bunyan. Il a dit, et c'est l'endroit vraiment vaste et étendu. Ou le mourad bihi, huna, mawaqif qiyama. Il a dit que le Cheikh Ibn Taymiyyah parlait ici de quoi? Parlait ici des cours de la résurrection. Non, pas des cours qu'il y a dans la dunya. Il a dit, wal hawd, quant au bassin, fil asl majma'u al-ma. Il a dit, communément, au sens commun, c'est quoi le bassin? C'est la cuvette, ou bien c'est un endroit où l'eau se rassemble. Non, c'est une cuvette, ou bien un endroit où l'eau se rassemble. Mais ici, on n'est pas en train de parler du sens étymologique du mot et du sens commun, mais on parle du sens juridique, du sens canonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on parle du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle aussi la vasque. Naam. Et والكلام على الحوض من عدة وجوه. Et ce qui a rapport avec ce bassin, avec cette vasque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir bi'idhna azzawajal, ou bien on va le résumer en 10 points. On va le résumer en 10 points. Naam. Nahda, inshallah. Aïe, premier point. Premier point, c'est que croire en ce bassin fait partie du dogme des gens de la sunna et du consensus, contrairement aux sectes égarées comme les mu'tazilites, qui nient ce bassin, nient l'existence de ce bassin. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, naam, si tu crois et tu attestes dans ton cœur que le jour de la résurrection, il y a un certain bassin qui appartient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, et ce bassin a des particularités, des descriptions qu'on va voir. Si tu crois en cela, tu fais partie bien sûr de al-sunnah ou jama'a, des gens de la sunnah et du consensus. Sinon, naam, c'est que cette personne qui dit par exemple qu'il n'y a pas de bassin, ou bien c'est une personne ignorante, on va lui dire, on te conseille d'apprendre ta religion. Tu n'as jamais ouvert un livre pour dire naam, ce qu'on dit les savants, tu n'as jamais ouvert un livre pour dire les hadiths authentiques qui attestent que, par yani, attestent d'une façon yani, où il n'y a point de doute, naam, qui attestent que le messager d'Allah aura un bassin. Donc, on te conseille d'apprendre ta religion, ou bien c'est une personne qui ressemble au Mu'tazilite, cette secte égarée qui dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, qui nie le bassin. Naam, ça, c'est cette secte yani, qui s'appelle les Mu'tazila, les Mu'tazilites. Naam, on lui dit alors, tu fais partie d'eux maintenant, ou du moins, tu le ressembles en ce point. Parce que toi aussi, comme eux, tu nies yani, le bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est premier point. Naam. Deuxièmement, هذا الحوض موجود الآن لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن رواه البخاري. Le deuxième point qui a rapport à ce bassin, c'est d'attester que ce bassin existe maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un bassin que Allah Ta'ala va créer le jour de la résurrection, mais ce bassin maintenant que nous, on est en train de faire le cours, ce bassin existe déjà. C'est-à-dire, s'il y avait moyen, si Allah Ta'ala voulait, yani, il nous l'aurait montré. Il existe déjà. Mieux encore, au temps du messager d'Allah, il existait déjà. C'est un peu comme le paradis. Le paradis, est-ce que Allah Ta'ala va le créer demain, quand on va mourir, ou là, il est déjà créé? Il est déjà créé. Et l'enfer? L'enfer est déjà créé aussi. Naam. Donc le bassin existe déjà et existait déjà au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il a dit, comme dans le hadith que je viens de citer, hadith authentique rapporté par Bukhari rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Wa inni wallahi la anzur ila hawdi al-an. Je suis, ensuite il a juré, je jure par Allah, en train de voir mon bassin maintenant. Je jure par Allah, en train de voir ma vasque maintenant. Naam. Il a dit aussi wa minbari ala hawdi, authentique rapporté par Bukhari. Il a dit aussi quoi? Et mon minbar, le minbar c'est comme ça la chose, naam, qui ressemble comme ça, il y a deux petites marches et il y a trois marches normalement dans la sunna, on monte dessus pour faire l'exhortation du vendredi. L'imam, avant de faire salat du mois, il monte sur quelque chose qu'on appelle le minbar. Il monte dessus. Le messager d'Allah, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et mon minbar, naam, est sur mon bassin. Et sur mon bassin. Ce qui prouve que le bassin existe déjà. Naam. Et quand il a dit que mon minbar se trouve sur le bassin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Cheikh Ibn Uthaymin Allah yarhamou a dit, ça veut dire l'une des deux choses. Ou bien qu'il se trouve dans cet endroit exactement, yani l'endroit où il y avait le minbar du messager d'Allah, dans sa mosquée à Médine, à l'époque, quand il a dit ça, il y avait un minbar dans la mosquée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon bassin se trouve, que mon minbar se trouve sur mon bassin. Donc, ou bien que son minbar se trouvait sur son bassin, c'est-à-dire si on creusait comme ça sous la terre, si c'était possible, bien sûr, on aurait vu le bassin, ou bien, il a dit, ou bien cela veut dire que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala mettra son minbar sur quoi? Sur le bassin. Naam. Ça veut dire aussi autre chose. Naam. Ça peut aussi dire une chose. Une autre chose, c'est quoi? C'est que le minbar se trouve sur le bassin, mais nous, on ne peut pas le voir. C'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il voyait des choses qu'on ne voyait pas. Il voyait les anges plusieurs fois, il voyait Jibril, alayhi salam, et nous, on ne voyait pas. Il entendait des choses qu'on n'entendait pas. Donc peut-être que Allah ta'ala lui a donné la particularité de voir le minbar. Et il a dit, de voir son bassin. Et il a dit, mon minbar se trouve maintenant, c'est-à-dire sur le bassin. Allez, deuxième point. Troisième point, on doit savoir sur le bassin. هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ينزلان إلى هذا الحوض حديث أوتنتيك رواه مسلم. Donc le troisième point, on doit attester que de ce bassin ou là dans ce bassin il y a deux conduites d'eau qui viennent se verser à l'intérieur. Ces deux conduites, d'où elles viennent? Elles viennent du paradis. Et d'où viennent-elles du paradis? De quel endroit? Elles viennent d'une grande rivière qui s'appelle le Kawthar. Le Kawthar, qui de nous, même les enfants, connaissent le Kawthar. Ça, entendez? Inna a'taynak al Kawthar, fa salli li rabbika wanhar. Naam, tout le monde connaît cette sourate qui est très, très petite. Inna a'taynak al Kawthar, fa salli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al abtar. Même les enfants connaissent cette sourate. Qu'est-ce que ça veut dire « Inna a'taynak al-kawthar » ? Tout le monde lit « Inna a'taynak al-kawthar » Mais c'est quoi al-kawthar ? Al-kawthar, c'est une des grandes rivières, hein, il y a beaucoup de rivières dans le paradis, une des grandes rivières du paradis s'appelle al-kawthar. Et Allah Azza wa Jal a mis deux conduites, deux canaux qui donnent de cette rivière du paradis qui déverse directement, hein, sur le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le bassin bien sûr qui n'est pas dans le paradis. Quatrième point. زمن الحوض قبل العبور على الصراط لأن المقام يقتضي ذلك حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصة القيامة قبل عبور الصراط. Maintenant, ce bassin où se trouve-t-il? Il va se trouver à l'intérieur du paradis ou bien en dehors? Si on dort, où exactement? Il a dit, on va parler du temps. On va parler du temps, hein, où va se trouver ce bassin. Il a dit, ce bassin, hein, on le trouvera quand on va mourir et on sera, yani, on va rencontrer Allah le jour de la résurrection. Il a dit, on va le voir avant de passer sur le sirat. Vous savez, le sirat, le pont, hein, sur lequel tout le monde doit passer. Avant ce pont, il y a le bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc, où se trouve ce bassin? Il ne se trouve pas dans le paradis, mais il est abreuvé par deux conduites qui viennent du Kawthar. Le Kawthar, une grande rivière qui se trouve au paradis. Donc, ce bassin se trouve à l'extérieur. Non. Il se trouve avant que les gens ne traversent le Sirat, hein, se trouve le Kawthar, parce que c'est là-bas que tout le monde aura soif. C'est là-bas que tout le monde voudra boire de ce bassin. Et bien sûr, comme vous allez voir, ce n'est pas quiconque qui a l'envie de boire qui va boire. Non. Cinquièmement, Yeridu هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله المتبعون لشريعته، وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد منه. نعم. Cinquièmement, ce bassin ne boira de lui, ne boira de ce bassin que les croyants en Allah Azzawajal et en son messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Que ceux qui ont suivi et qui suivaient la législation de l'islam, la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à toute personne qui s'est gonflée, mais s'est enflée d'orgueil et n'a pas voulu suivre cet islam, cette personne, quand elle voudra boire ce jour-là, elle en sera expulsée. À chaque fois qu'elle essayera d'approcher de ce bassin pour boire, elle en sera expulsée. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou n'a pas cité un hadith qui concorde très bien avec ce qu'il a dit. Mais moi, je vais vous le citer. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Rapporté par Al-Bukhari, rahmahullah. Vous pouvez le voir aussi pour ceux qui ont Sahih al-Jami' numéro 2468, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni faratukum ala al-hawd, je serai votre devancier, je serai votre devancier au bassin. C'est-à-dire, personne ne va devancer le messager d'Allah alayhi wa sallam. C'est lui le premier qui aura droit à ce bassin, puisque c'est quoi? C'est déjà son bassin sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: من مر بي شرب ومن شرب لم يضم ابدا. Il a dit: quiconque va passer devant moi et va s'approcher de mon bassin, il a dit, il va boire, et quiconque boira, même s'il boit une goutte, il n'aura jamais soif, car nous sommes toujours dans arasat al-qiyama, dans les cours de la résurrection, et les problèmes ont commencé, la grande soif a commencé. Donc, voilà une grâce d'Allah Azza wa Jal, que quoi? Qu'il est permis d'aller boire dans le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se désaltérer, et au moins, s'éloigner de lui, éloigner de soi, les problèmes. Déjà, vous savez que la soif joue, la soif est beaucoup plus importante que la faim. La soif est beaucoup plus importante que la faim. Il fatigue beaucoup plus que la faim. Le muhim. Le hadith n'est pas terminé. Il a dit: وَلَا يَرِدَنَّ عَلِيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. Il a dit: mais il va y avoir des gens que je connais qui me connaissent. Que je connais et qui me connaissent. Mais qui parlent là, ces gens voudront boire de mon bassin, mais il y aura comme quelque chose qui va les empêcher de boire. Fa'aqul. Alors je dirai à ceux qui veulent les empêcher de boire, ceux qui veulent, ce sont les anges. Naam, il va dire: innahum minni, ils sont de moi, ils sont de moi. Je les connais ceux-là, laissez-les boire, ils sont de moi. Fa'yuqal, alors on me répondra: innaka la tadri mada ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont fait après. Alors quand j'entendrai des anges dire: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, je dirai alors qu'ils méritent, alors qu'ils soient châtiés ou qu'ils soient éloignés de moi, ils méritent cela. De ce hadith, qu'est-ce qu'on prend? On prend au moins un intérêt, ou la deux. Le premier, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, la meilleure créature sur la terre, ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas ce qui se passe après sa mort. Alors, qu'en est-il des gens qui prétendent savoir ce qui se passe demain, ou là, ce qui se passe dans une heure, ou là, ce qui se passe dans un an, ou là. Le messager d'Allah lui-même sallallahu alayhi wa sallam mort, le jour de la résurrection, il va trouver certains gens, il veut les inviter à boire, croyons que ils sont comme il les a laissés, mais on lui montre que ce ne sont pas eux, mais qu'ils ont tout changé et que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et on prend aussi un deuxième intérêt très important, c'est que celui qui veut boire de ce bassin doit, comme j'ai dit, suivre, avoir suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas avoir changé. Comme a dit Allah ta'ala, ou ma baddalu tabdila. Il faut mourir avec quoi? Avec, yani, en étant sur le chemin droit, en étant sur le minhaj, en étant sur la aqida du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Tayyib. On était à quoi? On était à cinquièmement. Inch'Allah, je suis en train de placer le micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdoulilah. Donc, on était à quatrièmement. Maintenant, cinquièmement. Cinquièmement, la description de son nom. Yaqoul, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a décrit, mais bien sûr, c'est d'abord avant lui, c'est le messager d'Allah qui l'a décrit. Il a dit, son eau est plus blanche que le lait. Non. Son eau est plus blanche que le lait. Wa ahla min al-asal est meilleure ou la plus douce que le miel. Donc son eau, l'eau qui se trouve dans le bassin du messager d'Allah, elle est comment? Elle est plus blanche que le lait. Ce n'est pas une eau comme la nôtre, qui n'a pas de couleur, mais c'est une eau plus blanche que le lait et qui est bien sûr plus douce et qui a un meilleur goût que le miel. Naam. Donc ça, c'est un hadith authentique. Cheikh Ibn Uthaymeen a ajouté wa ra'ihatu atyab min rih al-misk comme thabata fi al-hadith sahih an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa al-Bukhari. Il a ajouté une troisième chose, il a dit et son odeur, alors que notre eau n'a pas d'odeur, ça, elle est inodore. Mais l'odeur de l'eau du bassin du messager d'Allah a dit que elle est meilleure que l'odeur du parfum, yani du musc. Non, elle est meilleure que cela. Septièmement, septième particularité du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, aniyatuhu adadu nujumi samai, c'est-à-dire ces récipients, ce bassin, comment qu'on va faire pour boire? Est-ce que quelqu'un va se jeter à l'intérieur? Est-ce que quelqu'un va prendre avec sa main? Il y a des récipients et des calices. C'est avec ces calices et ces récipients qu'on prend de l'eau. Il a dit ici, ces calices et ces récipients sont aussi nombreux que les étoiles du firmament. Non. Est-ce que quelqu'un peut compter combien il y a d'étoiles? Des milliards d'étoiles. Non. Il a dit, ces récipients sont aussi nombreux que les étoiles du firmament. Huitièmement, quels sont les effets qui résultent de la boisson de ce bassin? Après avoir bu de ce bassin, qu'est-ce qui se passe? قال المؤلف قال ابن تيمية من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. D'ailleurs, c'est aussi le sens d'un hadith authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque en boira une gorgée n'aura jamais soif de sa vie. Quiconque en boira une gorgée, une seule gorgée, n'aura jamais soif de sa vie. Pour voir combien ça aide la personne qui aura l'avantage de boire ce jour-là. Naam. Neuvièmement, quelle est la superficie de ce bassin? Il a dit, et aussi ça se trouve aussi dans le hadith, طوله شهر وعرضه شهر. Sa longueur vaut un mois de marche à dos de chameau, ainsi que sa largeur. Non. Si on voulait calculer quelle est sa longueur, ensuite sa largeur, pour voir sa superficie, si c'était un rectangle, multiplier la longueur par largeur par 2, ou la plus largeur par 2, si c'est un carré côté par côté, comme vous savez, Maintenant, pour voir quelle est sa superficie, sachez que sa longueur, il faut marcher à dos de chameau, monter sur un chameau et marcher pendant un mois. Pendant un mois, on traverse combien? On traverse sûrement des centaines de kilomètres. C'est-à-dire seulement sa longueur. Sa largeur, c'est la même chose. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit Hada idan yaqtadi an yakuna mudawwaran. Donc, il dit, ça suppose, ou là ça implique, que ce bassin est en forme de cercle. Ce bassin est en forme de cercle. Et certains autres savants, j'ai lu ça, ont dit que il a les côtés égaux. Il a les angles égaux. Il a les angles égaux. Naam. Dixièmement, afoun. هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ Est-ce que les autres messagers ont aussi des bassins ou bien seulement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a un bassin? Jawab, réponse نعم نعم oui. فإنه جاء في حديث رواه الترمذي وإن كان فيه ما قال إن لكل نبي حوضا. On a dit نعم. Il y a un hadith rapporté par Tirmidhi, quoique ce hadith n'est pas vraiment authentique, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen l'Armo, où le messager d'Allah a dit que chaque messager avait quoi? Avait un bassin. Mais moi, je vous rassure que ce hadith est authentique et qu'il a été cité par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. C'est un hadith authentique et j'ai même son numéro. Naam. J'ai même son numéro quelque part. Naam. Taïb. Je vais vous citer le hadith. Naam. Je vais vous citer le hadith qui est authentique et qui prouve que chaque messager a à quoi? A un bassin. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque prophète possède un bassin. Chaque prophète possède un bassin. Et ils se vantent tous de qui est le bassin le plus fréquenté. Ensuite, il a dit, j'espère vraiment avoir le plus grand nombre de personnes qui viendront boire du mien. Hein? Et le hadith, vous pouvez le voir, ou dans une autre version, Sahih al-Jami' numéro 2156. Sahih al-Jami' numéro 2156. Donc, chaque messager aura quoi? Aura ce jour-là un bassin. Et chaque messager voudra se vanter devant les autres, naam, que c'est son bassin, yani, qui attire, disons, le plus grand nombre de ceux qui veulent boire. Mais le messager d'Allah, le nôtre, a dit quoi? Il a dit, j'espère. Il dit j'espère, ça veut dire que ce sera lui bi'idhnillahi ta'ala, mais tellement il est modeste, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas arrogant, il dit j'espère, yani je souhaite wallahu a'lam, mais inshallah ta'ala c'est lui. Il a dit je souhaite et j'espère avoir le plus grand nombre de personnes qui viendront boire du mien. Donc voilà inshallah ta'ala en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On va passer au neuvième grand événement qui va avoir lieu le jour de la résurrection. C'est quoi? C'est Sirat, le pont. Là. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit وَالسِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمْ وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ. Il a dit, et le Sirat, le pont, se trouve au-dessus de Jahannam. Ou bien, il est posé au-dessus de Jahannam. Naam. Wa huwa al-jisr. Et c'est le pont qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Et c'est le pont qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Naam. Donc ce pont qui sera mis demain au-dessus de l'enfer, naam, pour que les gens le traversent, et si quelqu'un peut le traverser, naam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rentrer au paradis. Et s'il ne peut pas le traverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va tomber du pont. Et qu'il tombe, hein, s'il tombe du pont, où est-ce qu'il va se trouver? Il va se trouver en enfer. Car on a dit que ce pont se trouve au-dessus de l'enfer. Il est posé au-dessus de l'enfer. Pour vous donner seulement une image, pour que vous compreniez un peu, hein? Vous voyez comme ça, des fois, on nous montre comme ça des gens, hein? Ce sont presque des fous pour moi, j'appelle ça des fous, hein? Qui par exemple, il va mettre une corde entre un immeuble et un immeuble, et il va traverser cette corde, alors que c'est interdit bien sûr, il va la traverser. Comme ça, yani comme on traverse une corde quand on est au cirque. On va la traverser. C'est à peu près comme ça. On doit traverser un pont. Et au-dessus de nous, on a quoi? On a l'enfer. Hein? Si quelqu'un tombe, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se trouver en enfer. Et bien sûr, s'il tombe, hein, ça ne veut pas dire que il est kafir. Il tombe en enfer. Mais s'il était croyant, il va sortir de l'enfer. Ah, s'il était croyant, il va arriver un jour où il va sortir de l'enfer. Voyez. Il a dit, Cheikh Ibn Othaymeen Rahmo a dit, les savants ont divergé sur ce pont. Certains ont dit, Tariqun il a dit, certains ont dit que c'est un chemin large. Ce pont-là, c'est un chemin large. Hein, et que les gens passeront d'après leurs actions, passeront sur ce chemin, ou leur pourront traverser ce chemin d'après leurs actions. Et il s'est basé sur deux choses. Il a dit, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décrit ce pont, il a dit, il est glissant et dérapant. Or, il a dit, le fait, le dérapage ou bien le glissement ne peuvent se trouver que sur un chemin. Le dérapage, le glissement, il a dit, ça se trouve seulement sur un chemin. C'est pour ça que certains savants ont dit que c'est un chemin. D'autres ont dit, ce n'est pas un chemin. Hein? C'est un pont, mais vraiment très, très fin, si je puis dire, très fin. Il a dit, comme il y a, comme ça existe, dans un hadith rapporté par Muslim, mais faible. Faible, il a dit, balaran, c'est tout. Chaîne transmission, il y a le problème dans la chaîne transmission. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il est plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. C'est pour ça que ce hadith, hein, vous le connaissez, il est très connu. Comme quoi le pont, on dit de lui, il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Je vous avertis, hein, que ce hadith n'est pas authentique. Hein, ce hadith n'est pas authentique. Donc, beaucoup penche, beaucoup de savants penchent yani, vers cet avis. Ils disent que ce n'est pas un chemin, mais c'est plutôt yani, un pont, mais vraiment yani, qui est, disons, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un épée. Ils disent, même si le hadith n'est pas authentique, mais son sens est vrai. Mais yani, le pont est vraiment comme ça. Ça y est. Wa'ala hada yeridu su'al. Wa'al, wa'huwa, kifa yumkinu al-ubur ala tariq hada. Il a dit, Cheikh Lahmou, Cheikh Al-Othaymeen dit, maintenant, si on va être d'avis que le pont est fin comme un cheveu et tranchant comme une épée. Et, entre parenthèses, c'est l'avis, Inch'Allah Ta'ala, le plus fort. Il a dit, alors, on va se poser une question. Alors, comment se fait-il qu'on puisse passer? Comment se fait-il qu'on puisse passer sur 10 ans, yani un fil comme ça, un fil comme un cheveu. Imaginez un cheveu qui fait, par exemple, 100 mètres. Et vraiment tranchant. Il a dit, comment on va passer sur ce cheveu? El Jawab, réponse. Anna umur al-akhirati la tuqasu bi umur al-dunya. Fallahu ta'ala li kulli shay'in qadir wa la ndri kayfa ya'burun. Hal yajtami'una jami'an fi hadha as-sirat aw wahid wahid? Na'am. Wa hadhihi al-mas'ala la yakad al-insanu yalzimu bi hadha al-qawlayn li'anna kilayhima lahu wajha qawiyya. Il a dit, maintenant si on va dire comment on va passer sur ce cheveu, etc., on est revenu à quoi? À, comme je dis souvent, à faire la philosophie. On est revenu, on va faire la philosophie. Hein? Pourquoi et comment on ne comprend pas, comment se fait-il qu'on n'a jamais vu quelqu'un passer sur un cheveu, comme ça. Tout ça, c'est de la philosophie. Arrêtez de dire cela, dites seulement que yani, j'atteste et je reconnais qu'il y a un pont sur lequel je dois passer demain, que toute personne doit passer sur ce pont. Même s'il est fin comme un cheveu, tranchant comme une épée, je passerai d'après mes actions, bi'idhnillah azza wa jal. Parce que c'est une chose qui a trait, qui a rapport avec l'au-delà. Et l'au-delà, On ne doit pas philosopher dans l'au-delà. On doit dire sami'na wa ata'na, j'ai entendu et j'applique, c'est tout. On ne peut pas faire de qiyas et d'analogie. D'ailleurs, pour vous compreniez encore mieux cela, imaginez. Lorsque Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Mulk, verset 22, il a dit أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Parce que Allah Ta'ala a dit, est-ce que celui qui marche comme ça, renversé sur son visage, est mieux guidé, ou bien celui qui marche comme ça, droit, redressé, il marche sur ses pieds? Ce verset-là, ça a deux sens. D'abord, dans cette dunya, il veut dire que celui qui marche, yani, en donnant son dos à ce qui est venu d'Allah Azza wa Jal et son messager. Celui qui vit loin du Coran et de la Sunna, loin de la Sharia, il vit avec ses tentations, il vit avec ses passions. Celui-là, Allah Ta'ala a dit, il vit renversé. Il a le visage en bas et ses pieds en haut. Il a tout renversé. Le haq, le juste, est devenu faux pour lui. La bid'a est devenue sunnah. La chose que Allah Ta'ala aime est devenue pour lui la chose haïssable. La chose que Allah Ta'ala n'aime pas est pour lui la chose la plus aimée. Donc celui-là, il s'est renversé. Donc c'est comme s'il marchait avec la tête vers le bas. Il a dit, qui est mieux? Celui-là ou bien celui qui marche redressé sur ses pieds et suit le Coran, suit la sunnah, suit le minhaj? Qui est mieux? Sûrement le deuxième. Hada, c'est le premier sens de ce verset. Le deuxième sens, c'est le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, beaucoup de gens viendront avec quoi? Yani, ou bien, yani, quand Allah Azza wa Jal leur voudra les faire rentrer en enfer, il leur donnera qu'on les fasse rentrer en marchant sur leur tête et leur visage. Ils ne marcheront pas avec les pieds pour entrer à Jahannam, mais ils marcheront avec le visage. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ça, certains se sont étonnés. Et même une personne a dit, Ya Rasulallah, yahshuru Allah azza wa jal kafir ala wajhi yawm al-qiyamah. Allah Ta'ala va faire venir le kafir yawm al-qiyamah, yani en marchant sur son visage. Il s'est étonné. Comment? Yani on va marcher sur son visage? Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Comment il a répondu? Il a dit, Alaysa alladhi amshahu ala rijlihi fi dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhi yawm al-qiyamah. Réponse très simple. Est-ce que celui qui l'a fait marcher dans cette dunya, dans cette vie, sur ses pieds, n'est-il pas capable, n'a-t-il pas la puissance de le faire marcher demain, yani yawm al-qiyamah, sur son visage? Tu t'étonnes toi? Pourquoi tu t'étonnes? Celui qui l'a fait marcher sur ses pieds, s'il veut demain, il le fait marcher avec sa tête. Il le fait marcher sur son flanc. Il le fait marcher avec les oreilles. Tu t'étonnes toi? Ce n'est pas étonnant. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Ce n'est pas étonnant que demain des gens vont marcher sur un fil ou sur un pont qui est aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'une épée. Voyez. Et ce hadith que je viens de citer, qu'un homme a dit au messager d'Allah, comment Allah Ta'ala va faire marcher des gens sur le visage, et la réponse du messager d'Allah, c'est un hadith authentique rapporté par Muslim, voir le tome 14, page 409. Voyez. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, ce pont sera jeté sur Jahannam. Naam. Et il a dit que les gens passeront dessus. Yamurru an-nasu alayhi, les gens passeront dessus, à la qadri a'malihim, d'après leurs actions. Et quand on dit que ce pont sera posé sur Jahannam, sur l'enfer, ça ne veut pas dire qu'il touche sur l'enfer. C'est comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple de celui qui veut traverser entre deux immeubles. Mais, yani, ça fait vraiment loin en bas. Il y a combien? Il y a 10 étages, 15 étages. Et c'est maintenant, c'est la même chose pour Jahannam. Jahannam est en bas. Combien qu'il y a de distance? Allahu alam. 10 mètres, 100 mètres, 1 km, 100 km. Allahu alam. Mais Jahannam est en bas. Et quoi? Et nous, on doit traverser un pont. Si on réussit à traverser ce pont, il y a le paradis qui attend. Il y a une petite passerelle ensuite le paradis. Mais si quelqu'un tombe, c'est grave pour lui, car pourquoi il va tomber directement en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-Ali al-Azim an la yuhrimana min ma'i hawd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa an yusahhilana al-murur ala as-sirat. Na'am. Ensuite il a dit fayamurru an-nasu alayhi qadra a'malihim. Ensuite Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahu a dit les gens passeront sur ce pont d'après leurs actions. Donc il est question de quoi? Il est question d'action. Celui qui avait les bonnes actions, masha'Allah. Et celui qui avait les mauvaises actions, ce sera vraiment grave pour lui. Donc ce n'est pas une question de quoi? D'être par exemple sportif. Ce n'est pas une question d'avoir quoi? D'avoir travaillé dans un cirque. Une question, yani, de... C'est seulement une question de quoi? Une question d'action, de bonnes actions ou bien de mauvaises actions. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah a dit, les croyants traverseront ce pont, c'est yani certain, à la vitesse du regard. D'autres, à la vitesse de l'éclair. D'autres, à la vitesse du vent. D'autres, à la vitesse des meilleurs chevaux et chameaux. Et ensuite, il a dit, les uns seront sains et saufs, tandis que d'autres échapperont, yani, quoi qu'ils auront subi des écorchures et entailles. Et d'autres, enfin, échoueront au fond de Jahannam. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Et dans Sahih Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils traverseront, yani certains, aussi rapidement, ou bien tout le monde traversera aussi rapidement que leurs actions auront été bonnes. Naam. Tandis que votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tiendra sur le pont en implorant le Seigneur. Oh Allah, sauve-les. Oh Allah, sauve-les. Ensuite, il a dit, les actions de certains seront incapables de les faire traverser au point où quelque homme arrivera pour traverser mais ne pourra pas avancer sauf en rampant. Alors il est dit dans Sahih al-Bukhari jusqu'à ce que arrive le dernier en rampant difficilement à même le sol. Naam. Et le premier qui traversera le pont sallallahu alayhi wa sallam, naam, sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première nation à traverser sera la sienne. Comme il est dit dans le hadith authentique, le pont sera jeté entre les bords de Jahannam. Je serai le premier à le traverser avec ma nation. Ce jour-là, personne ne pourra parler, excepté les messagers. Leurs seuls propos seront « Oh Allah, sauve! Oh Allah, sauve !» Hadith rapporté par Al-Bukhari. Naam. Et, je continue. Il a dit « Cheikh ici, Allah yahmou, wa hada bi ghayri ikhtiyar l'insan. » Et le passage ici, yani comme un éclair, ou bien comme un cheval, ou bien comme le vent, il a dit « Ce n'est pas nous qui choisissons. Ce n'est pas toi qui décides. Tu vas dire « Je vais traverser comme le vent. Je vais traverser comme l'éclair. Je vais ramper. » Ce n'est pas toi qui décides. Mais d'après quoi? D'après les actions que tu faisais ici. D'après les actions que tu faisais ici. Il a dit ici « Walakin sir ala hasbi sur'ati fi qabuli shari'at fi hadhihi ad-dunya. » La rapidité sur le pont sera d'après la rapidité que tu avais ici, dans cette dunya, à accepter les commandements d'Allah Azza wa Jal. Naam. Celui qui était rapide ici à accepter les commandements d'Allah Azza wa Jal aura un passage rapide sur le pont demain. Et celui qui était ici lent, vraiment lent, à accepter les commandements d'Allah Azza wa Jal aura quoi? Aura un passage, yani sur le pont, vraiment lent. Naam. D'ailleurs, vous remarquez que les gens divergent beaucoup, naam, en ce qui concerne les acceptations des commandements d'Allah Azza wa Jal. Il y a une personne qui, subhanallah l'adhim, n'a jamais fait la prière. Tu lui parles un quart d'heure, et subhanallah, il est convaincu. Tu dis, Inch'Allah, Dès que je pars à la maison, je prends ma douche et je commence. Et subhanallah, ce jour-là, il commence. Et il y a des gens, vous avez remarqué, à chaque fois que tu le rencontres, tu lui parles de la salat. Et jamais il ne commence. Et certains restent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour commencer. La même chose, par exemple, pour le voile, pour les femmes. Non, il y a des femmes, des sœurs, dès qu'elles entendent le voile, elles commencent à appliquer. Elle est quoi? Très rapide à accepter les commandements d'Allah Azzawajal. Et il y a d'autres, tu pars des années et tu la rencontres. Toujours, sans voile. Toujours avec les cheveux, visibles. Toujours avec le corps. Et alors, elle se dit, voilà, je ne suis pas encore convaincu, voilà ceci, voilà cela. Subhanallah. C'est quoi le salon sur InSpeak? C'est quoi? Donnez-moi le nom du salon. Non. Il a dit. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْتَفْ. Il a dit, certains d'entre eux, de ceux qui veulent passer sur le pont, certains d'entre eux seront happés. Non, seront happés. Pourquoi? Parce que des deux côtés du pont, à gauche et à droite, il y a quoi? Il y a comme des épines. Et il y a des choses comme ça qui, attendez, attendez, je cherche le mot ici, comment ça s'appelle exactement, au lieu d'épines, une seconde. Non. Non, le pont est plein de crochets, de pinces et de larges épines, pareilles à celles tordues que l'on trouve dans le Najd. Non. Donc, ce pont est plein de quoi? Il est plein de crochets et de pinces. C'est pour ça que beaucoup de personnes arriveront et traverseront le Sirat, mais arriveront là-bas avec beaucoup de sang. Pourquoi? Ils ont été quoi? Ils ont été griffés, si je puis dire, avec quoi? Avec ces crochets, et ils ont été touchés avec ces épines. Nam, ils arrivent là-bas vraiment blessés. Vraiment blessés. Nam. Ensuite, il a dit, et d'autres, bien sûr, sont comme ça, vite, happés par les crochets et vite jetés en bas. Il y a des crochets qui tirent comme ça les gens. Et si ces crochets tiennent la personne, qu'est-ce que quelquefois ces crochets, ils le jettent en bas. يفهم منه أن النار التي يلقى فيها الغوصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما ولكن ظاهر خلاف ذلك وأنها تكون حارة مؤلمة لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين. نعم. Donc vous remarquez que les personnes, des musulmans, نعم, vont tomber de ce pont. Et vont se trouver en bas, fi jahannam. Ici, Cheikh Rahmou a dit, donc, s'ils vont tomber, ils vont se trouver dans jahannam avec les kofars, donc ils auront le même châtiment. Et Cheikh Rahmou a dit, non, certains savants ont dit que les musulmans, les croyants qui tomberont du pont et se trouveront en enfer, hein, ils trouveront le feu froid. Le feu, hein, il sera froid pour eux. Mais Cheikh Rahmou a dit, ce n'est pas l'avis le plus juste. C'est un avis de savant. Mais l'avis le plus juste, c'est qu'ils trouveront un feu, brûlant. Brûlant, pas froid. Mais seulement, ils ne seront pas sur le même degré de châtiment. Naam, Allah Azza wa Jalla, vous savez qu'il ne va pas châtier, subhanallah al-Azim, le croyant comme il va châtier le kafir. Le croyant, il a fait la salat, il a fait la zakat, il a. Mais. Il a fait la zina, il a fait ceci, il est tombé ce jour-là. On ne va pas le châtier comme quelqu'un qui n'a jamais cru en Allah, et quelqu'un qui insultait Allah, et quelqu'un qui insultait l'islam. Allah Ta'ala, même en enfer, fait la différence. Allah Ta'ala, même en enfer, reste le plus équitable, le plus juste. La preuve, c'est que l'oncle du messager d'Allah, Abu Talib, qui est mort kafir, malgré cela, il n'a pas le même châtiment que les autres kuffars. Mais il aura le moindre châtiment, comme c'est dans le hadith authentique. Donc les musulmans, les croyants qui vont tomber du pont, ils vont se trouver en enfer, ceux-là, ils auront l'avantage de quoi? Ils auront l'avantage, comme c'est dans le hadith authentique, que le feu ne brûlera pas les endroits des ablutions, hein, comme c'est dans le hadith sahih, yani les membres avec lesquels il faisait le sujoud. Les membres avec lesquels la personne faisait le sujoud, tu as cet avantage que si demain, la qadarallah, tu vas te trouver en enfer, le feu mangera toutes tes parties, sauf quoi? Sauf les membres avec lesquels tu faisais les sujouds. C'est-à-dire que le feu n'aura pas le droit de toucher cette chose. C'est quoi la première chose? C'est le front et le nez. Le feu ne brûlera pas le front et le nez. Ça fait une chose. Ensuite, les deux mains. Ça fait trois choses. Ensuite, les deux genoux. Ça fait cinq choses. Ensuite, les deux pieds sur lesquels et avec lesquels on fait du sujoud. Ça fait quoi? Ça fait sept choses. Naam. Ensuite, il a dit, فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Il a dit, quiconque aura la faveur de traverser ce pont rentrera au paradis. Rentrera au paradis. Pourquoi? Parce que il n'est pas tombé en enfer. Donc il va laisser l'enfer derrière lui. Il n'y a plus d'enfer. Arrivé au stade d'avoir traversé le pont, il n'y a plus d'enfer. Et s'il n'y a plus d'enfer, où est-ce que tu vas rester? Entre l'enfer et le paradis. Donc tu vas rentrer au paradis. Mais attendez. Fa'ida. عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض. On dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a dit, maintenant que les gens ont traversé le pont, le Sirat, ils vont se trouver sur une autre passerelle, une petite passerelle, une petite passerelle. Et les savants ont divergé sur cette passerelle. Est-ce que c'est la fin du pont? Est-ce que les gens, quand ils traversent le pont, ensuite ils restent par exemple 10 ou 20 mètres? Non, c'est 20 mètres, ça s'appelle la passerelle. Ou bien le pont se termine carrément et ensuite va commencer une nouvelle passerelle. Il a dit, c'est quoi la réponse? Écoutez la réponse du grand savant, éminent, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Grand savant, éminent. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a écouté sa réponse. Il dit, Masha'Allah, sublime. Qu'est-ce qu'il a dit? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Il a dit, je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas la réponse. Et il n'a pas honte de dire, je ne connais pas la réponse. Dire, je ne connais pas la réponse. Quand on ne connaît pas la réponse, c'est quoi? C'est le signe de la science. Naam. Certains croient que s'il dit, je ne sais pas, ça veut dire qu'il est djahil, il est ignorant. C'est quand il dit je sais alors qu'il ne sait pas qu'il est ignorant. Mais quand il dit je ne sais pas, quand il ne sait pas, c'est ça le savant. C'est ça, c'est la personne qui craint Allah Azza wa Jal. Non, il a dit je ne sais pas. Est-ce que la passerelle, c'est quelque chose de nouveau après le pont ou bien c'est la fin du pont? Il a dit Allahu alam. Mais il a dit wa laysa ya'nina sha'nuha, lakin alladhi ya'nina anna an-nas yughafuna 'alayha. Il a dit, ça ne nous intéresse pas beaucoup que la passerelle soit quelque chose de nouveau ou bien soit la fin du pont. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens vont rencontrer une passerelle et vont s'arrêter là-bas quelques bouts de temps, quelques temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il y aura un règlement de compte. Un règlement de compte. Et ce règlement de compte, et ce règlement de compte, ce n'est pas le premier règlement de compte dont on a parlé la fois passée, où on avait dit qu'Allah Ta'ala allait faire venir le mouton cornu et l'autre, celui qui n'a pas de corne. Et Allah Ta'ala va appliquer la loi du talion et demander à celui qui n'a pas de corne de frapper le cornu, car dans cette dunya, il a été frappé par ce cornu. Ce n'est pas ça, ça. Maintenant, c'est un autre règlement de compte qui a pour but quoi? Qui a pour but d'enlever la haine et la rancune qui se trouvent où? Qui se trouvent dans les cœurs des gens. Pourquoi? Pour être prêt, hein, à rentrer au paradis. Donc, sur sa passe, cette passerelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a pour but? Elle a pour but le nettoyage et la purification. Car maintenant, on va rentrer au paradis. On va rentrer au paradis. Donc, il est impossible que on rentre au paradis avec quoi? On rentre au paradis avec de la rancune et de la haine. Imaginez quelqu'un assis au paradis dans son palais, ensuite il regarde la fenêtre, il voit quelqu'un. Ah, il va dire, il est là, celui-là encore. Il est là encore, hein? Subhanallah, je me rappelle, il m'a pas donné 100 euros. Je lui ai prêté. Ah, je vais lui faire un coup aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lui faire un coup. Ou là, il va chercher des cailloux pour le frapper. Tout ça, il n'y a pas dans le paradis. Non, il n'y a pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Al-Hijr 47. Si vous pouvez trouver, si vous pouvez trouver ce verset, affichez le barakallahu fikoum. Al-Hijr 47. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. Et on a enlevé, c'est ma traduction, hein, et on a enlevé ce qu'ils avaient dans le cœur, comme par exemple comme haine, hein, mais quelque chose pareil. Et maintenant, les voilà, yani, sur des fauteuils en train de, yani, en face, en train de se regarder en face. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et on a enlevé, hein, ce qu'ils avaient dans le cœur, comme haine et rancune, et yani, ce qui ressemble à cela. Donc, personne ne rentrera au paradis avant d'être quoi? Avant d'être purifié haut, purifié sur la passerelle. Tout le monde sur la passerelle. Allah Ta'ala, yani, fera de sorte que tout le monde pardonne à l'autre. Ou bien en t'enlevant des hasanat, ou bien en te donnant en t'enlevant des péchés, et en te donnant des hasanat, des œuvres, et comme ça, jusqu'à ce que quoi, tu dises, là, j'ai pardonné à telle personne, j'ai pardonné à telle personne. Nan. Ensuite, les gens pourront, accéder au paradis. Il a dit, maintenant, après, maintenant, après s'être purifié et après s'être nettoyé, il va leur être permis d'accéder au paradis. Il a dit, et le premier, yani, auquel le paradis va ouvrir ses portes, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Non, regardez, ce n'est pas un autre. Ce n'est ni Moussa alayhi salam, ni Isa alayhi salam, ni Daoud, ni Suleyman, ni Nuh, ni Adam. Mais c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier qui va frapper au paradis. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith authentique, il a dit, nous sommes les derniers et les premiers, yawm al-qiyamah. Nous sommes les derniers, la dernière nation. Est-ce qu'il y a un autre prophète qui va venir? Il n'y en a plus, nous sommes les derniers. Mais subhanallah, nous serons les premiers à rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que, vu l'importance et la valeur de notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le paradis ne va pas s'ouvrir avant lui. Il n'y a aucun messager qui peut ouvrir le paradis. Donc, puisque c'est lui qui ouvre le paradis. Naam. Donc, hein, c'est sa nation qui va rentrer la première. Alors que, subhanallah al-Azim, qui est son temps, c'est la dernière nation. Naam. Inch'Allah ta'ala, le prochain dars, ce sera la rentrée du paradis. Le prochain dars, la rentrée du paradis et peut-être aussi l'intercession. Voilà, Inch'Allah ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. On va, bi'idna azzawajal, se rencontrer au moins dans 20 minutes, mais peut-être dans une demi-heure. Au moins dans 20 minutes, mais peut-être dans une demi-heure. Préparez, Inch'Allah ta'ala, vos questions pour qu'elles soient dans la aqidah. La aqida et le minhaj, ou bien dans ce que j'ai dit aujourd'hui, quelque chose qui a rapport à ce que j'ai dit, celui qui n'a pas une question en ce sens, ou bien qu'il baisse la main pour laisser une place à son frère, ou bien qu'il change de question. Si sa question n'est pas dans le cours, ou bien la aqida, qu'il change sa question, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne le micro, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette soirée du samedi 20 Muharram 1430, c'est-à-dire le 17 janvier 2009, on commence, Inch'Allah Ta'ala, hein, par répondre à vos questions En commençant par Oum Younes Saad. Tafadhali. Salam alaykoum, cher. Au paradis, il est dit que ceux du bas verront ceux du dessus. Et d'après ce que j'ai compris, c'est au travers. Allahu alam. Mais si l'on a aimé une personne pour Allah, pourrons-nous le visiter directement et de même profiter de ses délices, entre parenthèses, nourriture, etc. Et évoquer des passages vécus ensemble dans ce bas monde. Barakallahu fikum. Qu'Allah Ta'ala vous préserve de tout mal. Amin. Salamu alaykum. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est comme c'est dans le hadith authentique que les gens verront ceux qui sont au-dessus d'eux. Il a dit comme ça le hadith, verront ceux qui sont au-dessus d'eux, comme on voit nous par exemple les astres. Les astres, il y en a vraiment vraiment loin là-bas. Naam. Reste à savoir, est-ce que s'ils veulent rencontrer cette personne, parce qu'ils peuvent la rencontrer, bidna azzawajal, car Allah Ta'ala a dit qu'ils ont tout ce qu'ils souhaitent. Est-ce que c'est permis de monter en haut ou bien c'est l'autre qui descend? Est-ce que c'est permis d'aller en haut pour le visiter ou bien c'est l'autre qui descend en bas? Allahu Ta'ala alam. Non, je n'ai pas de science en cela, ni je n'ai jamais vu ou entendu quelqu'un yani dire cela en prouvant un hadith ou l'inverser. Mais je sais que yani, les autres, ceux qui sont élevés, nam, seront yani, dans les endroits vraiment plus hauts que les autres. Maintenant, est-il permis de monter vers les autres? Allahu ta'ala alam. Mais je sais qu'ils se rencontreront bidna ta'ala, ils feront des visites, et ils évoqueront d'ici-bas ce qui se passait d'ici-bas, ici-bas. C'est comme c'est dans le verset où il est dit qu'ils vont aussi visiter les gens de l'enfer. Naam. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin fi jannat yatasailun 'an al-mujrimin. Dans des paradis en train de se poser des questions sur les criminels. Ensuite, ils sont allés les voir fi jahannam. Ils ont dit ma salakaka fi saqar? Wa ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum min musallin. Que faites-vous en enfer? Ils ont dit on n'était pas des gens qui faisaient la prière. Et Allah Ta'ala a inscrit aussi le dialogue entre le kafir et le croyant. Le kafir qui va dire à l'autre, le musulman qui va dire à l'autre, Alhamdoulilah que je t'ai pas suivi. Sinon, je serai aujourd'hui comme toi. Et comme ça. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. C'est-à-dire, il n'y a pas de détail dans un verset ou un hadith qui cite cela. Naam. Abdullah 06000, tafadhal. Abdullah, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai entendu qu'un des plus grands signes de l'heure est que le Coran disparaîtra en une nuit, même dans les cœurs des hommes, et aucune sourate ne sera laissée sur terre. Entre parenthèses, quelques groupes de vieillards seront laissés et diront: nous avons entendu parler de quelqu'un qui disait La ilaha illallah, et nous le répétons. Si cela est sahih, est-ce que ce sera la fin des musulmans? Tfadal, cher. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce hadith est authentique. Ce hadith est authentique. Naam. Et à la fin, il est dit qu'il y aura des gens qui disent Allah, Allah. Naam. On a entendu des gens dire comme ça. Mouhim. Sachez que la fin du monde n'aura pas lieu jusqu'à ce que il n'y ait plus de musulmans. Naam. C'est-à-dire, comment ça va se passer? D'abord, c'est l'islam qui va revenir. Comme dans les hadiths authentiques. L'islam qui va revenir, l'islam qui va revenir avec son califat. C'est-à-dire qu'il y aura un musulman, un gouvernant qui va commander tous les musulmans du monde. Où est-ce qu'il sera? Allahu alam. Le gouvernant va yani, gouverner tous les musulmans du monde comme au temps du messager d'Allah, de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali. Et Omar Abdelaziz, Mouawiya, Omar Abdelaziz, et comme ça. Non. Ensuite, bien sûr, ensuite l'islam se propagera jusqu'à ce qu'il rentre dans chaque maison et dans chaque tente, comme a dit le messager d'Allah. même les gens qui habitent dans le désert, qui ont des tentes, ça, chaque maison, hein, l'islam, il rentrera en elle. Ensuite, vont y apparaître les grands signes, hein, entre autres, hein, il y aura Isa alayhi salam qui va descendre, entre autres, l'apparition de l'Antichrist, Messie Dajjal, entre autres, Isa alayhi salam va tuer avec les musulmans, vont tuer le Messie Dajjal et les juifs et tous ceux qui vont suivre cet Antichrist. Ensuite, là, yani, classe, on est très proche de la fin du monde. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là. Ensuite, l'islam va commencer à diminuer. Les bons gens, etc., ils vont commencer à mourir. Là. Ensuite, yani, ça me rappelle maintenant le hadith que tu as cité. C'est un peu avant que, yani, il n'y aura plus le Coran. Là. Et même des poitrines des gens, il va partir. Cette personne ne pourra citer. Inversé. Et les gens vont ouvrir leur livre comme ça le matin. C'est pas le livre qui va partir, seulement l'écriture. Ils vont ouvrir le livre, il est vide. Subhanallah, rien n'écrit. Rien n'écrit. Je disais, alors quand c'est vraiment la fin du monde, Allah subhanahu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un vent. Un vent qui va rentrer par les aisselles de chaque croyant. Chaque croyant. Ce vent-là, quand il va toucher ses aisselles, ses aisselles, hein, sur des aisselles, il va mourir. Et ne resteront que qui? Ne restera en vie que les mécréants et les gens, yani, l'ashrar, les gens qui ont fait le plus de mal dans leur vie. C'est sur cela que Allah Ta'ala exterminera ce monde et le finira. Tous les croyants mourront. Il n'y aura plus de musulmans. Allah Ta'ala enverra un vent qui va tuer tous les croyants. Et il ne va rester que qui? Il ne va rester que les mécréants. Alhamdoulilah, Allah Ta'ala aime tellement les croyants qu'il ne veut pas yani, finir ce monde en leur présence. Il veut d'abord les faire mourir avec un vent, ensuite tout renverser. Alhamdoulilah, c'est une rahma, c'est une miséricorde qu'aucun croyant ne vivra en ce temps-là. Naam. Wallahu Ta'ala alam. Abdullah 06000, tafadhal. أبو وأم سيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. حياكم الله. Y a-t-il une preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم servira à boire du bassin à certains musulmans? Et si oui, lesquels? Barakallahu fikoum, Cheikh. La question à laquelle vous venez de répondre, Cheikh, c'était la question de Abdallah. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Y a-t-il une fois que le prophète servira à boire du bassin à certains musulmans? Et si oui, lesquels? Je ne connais pas, je ne connais pas un hadith, ou du moins je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas un hadith qui dit que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui va servir à certaines personnes à boire. Mais je sais qu'il va leur permettre de boire, mais il va les inviter à boire. Et entre parenthèses, pas tous les gens qu'il va inviter vont boire. Vous avez entendu comment que les anges yani, essayeront ou la empêcheront certains de boire. Allah Azzawajal, yani, fasse qu'on ne soit pas de ceux qui seront expulsés. Mouhim, je ne connais pas, je ne connais pas un hadith yani, s'il y a où il est cité que c'est lui qui donne à boire. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ensuite, avant d'oublier, Inch'Allah Ta'ala, je vous rappelle que les emails que vous m'envoyez, très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, peut-être à partir de demain ou l'après-demain, peut-être, même 2, 3 jours, hein, vous entendrez directement les réponses dans le site. Vous rentrez dans le site, vous allez trouver là-bas, yani, comme ça, en haut, c'est écrit cours. Yani, biographie, Aqida, vous allez trouver là-bas par exemple email. Hein? Ensuite, je pense, Allahu Ta'ala, maintenant j'ai une idée. Après Dars, je vais parler avec les frères. C'est pas peut-être qu'ils vont me donner une autre idée, je ne sais pas. Je pense que, par exemple, quand quelqu'un m'enverra une lettre, hein, je lui rendrai comme réponse, par exemple, la réponse se trouve dans la question numéro 10. Numéro 6, numéro 8, numéro 10. Comme ça, lui, quand il rentre dans les emails, hein, il cherche la cassette, par exemple, l'audio, où il y a, par exemple, entre la question 1 et 10. Donc, sa question, si c'est la 8e, c'est là-bas qu'il va la trouver. Si je lui dis question 20, il va l'audio, c'est écrit, par exemple, entre 10 et 20. Et il écoute la 20, et il écoute, par exemple, la 20e question, sans le citer, ça veut dire que c'est lui. Et il comprendra que c'est lui parce que, hein, je parlerai du sujet dans lequel il a posé la question. Wallahu ta'ala alam. Ça m'évitera quoi? D'écrire. Ça me prend beaucoup de temps d'écrire et de chercher les délits, de répondre à comme ça des dizaines, des centaines. Non, ça m'évitera, inshallah ta'ala, d'écrire. Wallahu azza wa jal alam. Tfadl, inshallah, tfadl, Othman. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si les personnes, entre parenthèses musulmanes, qui vont voir les saints et les voyants, sont-ils considérés comme des mouchrikines pour qui ce sera l'enfer éternellement? Leur prière est-elle valide? Qu'Allah vous compte parmi les gens du Firdaous. Amin. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. En fait, celui qui va voir yani, le sorcier ou comment on appelle ça, celui qui prédit, il prétend yani, comme quoi il prédit. Ça s'appelle le sorcier, ça s'appelle le voyant par exemple. Nah, ces gens-là, chez certains on les appelle des saints. Nah. Mais celui qui va pour demander yani, parce qu'on lui parle de son avenir. Avec qui il va se marier, même, qui lui a volé cette chose. Et comme ça, cette personne, ou bien elle ne croit pas en ce qu'on lui dit, c'est-à-dire seulement elle lui demande, ou bien elle croit en ce qu'on lui dit. Non. Si elle ne croit pas en ce qu'on lui dit, sa salat n'est pas acceptée 40 jours. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un grand péché. Sa salat n'est pas acceptée 40 jours. Quand elle va à la maison pour faire la salat, à partir du moment où elle est allée chez le voyant, 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Donc c'est grave pour elle quand elle va rencontrer Allah Ta'ala, il va lui dire, tu n'as pas fait la prière pendant 40 jours. Ça ne comptait pas. Donc c'est vraiment grave, hein, 40 jours. Une fois on ne fait pas la prière, certains salaf ont dit, il devient kafir. Une fois, quelqu'un ne fait pas la prière une seule fois. Il dit, je ne fais pas aujourd'hui le dhohr, c'est tout. Je vais faire l'asr, mais je ne fais pas le dhohr. Il est devenu kafir. Non, subhanallah, chez certains salaf. Alors, imaginez maintenant, quelqu'un, 40 jours, n'a pas fait la prière. Hadi, c'est quoi? S'il ne croit pas à ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, l'autre est en train de lui répondre, et lui, il dit dans son cœur, ah, toi, tout ce que tu dis, ça rentre par là, ça sort de l'autre oreille. Ah, tu pars dans le vide. Mais quand même, 40 jours, tellement c'est grave ce qu'il a fait, sa prière ne sera pas acceptée. Alors, qu'en est-il maintenant s'il va le croire? Non, il va lui dire, ah bon, subhanallah, jazakallah khair. Il va lui embrasser sa tête et lui donner de l'argent. Celui-là, le hadith a dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, non, tant qu'il est dans cette vie, tant qu'il est dans cette vie, alhamdoulillah, il peut faire le repentir. Il peut faire le repentir et regretter et dire à Allah, je ne savais pas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tout miséricordieux, hein, c'est le miséricordieux, le grand miséricordieux, et il va lui pardonner, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, s'il ne savait pas, comme peut-être beaucoup de vieux et de vieilles qui ont été trompés, nam. C'est des gens qui leur disent que celui-là c'est un saint et celui-là c'est Allah Ta'ala qui lui montre et c'est Allah Ta'ala qui l'aide à ce qu'ils disent comme ça. Hein? Celui-là, Allah Azzawajal, c'est à lui de décider s'il leur pardonne ou pas, pour leur ignorance, leur grande ignorance. Hein? Et ce qui est vraiment malheureux, ce qui est malheureux, c'est que il y a même certaines chaînes, subhanallah, certaines chaînes de télévision où ils s'assoient comme ça et on lui téléphone. Et on lui dit, voilà, te dis c'est quoi ton nom, le nom de ta mère, le nom de ton père, le prénom de ton père là, et il commence à te raconter par la des histoires. Et les gens croient, etc. Allahumma afina afu anna ya rabbal alamin. تفضل. إن شاء الله محمد ابن إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك الشيخ محمد. Les taghouts sont nombreux, à leur tête il y en a cinq. Il y a Iblis, celui qui est adoré tout en étant consentant, celui qui appelle à l'adorer, celui qui prétend connaître l'invisible et celui qui légifère selon des lois non divines. Combien y a-t-il de taghouts en tout et qui sont-ils? Est-ce que les messagers, les anges et les gens pieux qui sont adorés en dehors d'Allah sont des taghouts? Jazakumullah khair cher et je vous aime tous à Allah, mes frères, qu'Allah vous préserve. Amin wa iyyak. Tfadal cher. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En fait, je voulais parler aussi des saints qui sont morts, comme ils font dans les pays du Maghreb. Naam, dans les pays du Maghreb, comme l'Algérie, la Tunisie un peu moins, le Maroc, naam, surtout le Maroc, naam, il y a beaucoup ces choses-là. Les gens qui vont sécher ces gens-là pour leur demander des choses alors qu'ils sont morts, certains savants leur trouvent comme excuse l'ignorance. Et d'autres disent que en cette chose, il n'y a pas d'excuse. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cela, Allah ta'ala, demain c'est lui qui décidera qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là. Si vraiment ils étaient trompés, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment on les a dupés, si vraiment ils ne savaient pas. De toute façon, même s'ils ne savaient pas, même si Allah Ta'ala va leur pardonner ce péché parce qu'il a été fait par ignorance, ils auront le péché de quoi? De ne pas avoir demandé la science. Car demander la science, comme a dit le messager d'Allah, est une chose obligatoire. D'ailleurs, le premier verset qui est descendu a dit quoi? Iqra. Donc, il faut lire, il faut étudier. Un mohem. Donc, je dis que ces gens-là, leur avenir sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décidera est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient ou bien ils l'ont fait dans la totale ignorance parce qu'ils étaient loin des savants et ils ne côtoyaient pas les savants ni entendaient les cours ni rien. Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quant au tarot et pas tarot, le tarot c'est toute personne qui dépasse les limites. Qui dépasse les limites. Non. Non. C'est pour ça que le shaitan il a appelé tarot parce qu'il il a dépassé les limites. Au point où Allah il est devenu kafir. Quant aux messagers qui se font adorer par Allah Azzawajal, ce ne sont pas des tarot. Pourquoi? Pour devenir tarot, il faut accepter d'être quoi? D'être adoré et vénéré. Celui qui n'accepte pas, il n'est pas devenu tarot. Mais le tarot, c'est celui qui accepte ou bien pousse les gens et les exhorte à ce que on le vénère, à ce que on lui fasse la prosternation, à ce que yani, on fasse de lui une idole. Non. Mais tant que la personne déteste cette chose, comme Isa alayhi salam, qui a détesté que les gens l'adorent, comme Ali ibn Abi Talib, qui a détesté que les gens l'adorent, car on s'entend déjà, on a adoré, on a dit de lui que tu es un dieu, ceux-là ne sont pas des taouts bi'idna azzawajal. J'ouvre seulement une remarque pour dire à mon frère que quand tu as fait rentrer ceux qui ne légifèrent pas par la loi d'Allah dans le tarot. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que cela n'est pas comme ça en général. Car celui qui ne légifère pas avec la loi d'Allah azzawajal se divise. Se divise au moins en deux groupes, deux sortes. Celui qui le fait comme ça, c'est-à-dire ne légifère pas. En quoi? En reconnaissant qu'il est dans la faute et que ça ne se fait pas, mais qu'il fait ça par passion, là, par amour d'argent, là, par amour du trône ou là. Et celui qui ou bien ne reconnaît pas, dit je ne reconnais pas la législation d'Allah, ou bien c'est pareil de légiférer avec la législation d'Allah ou bien les lois des gens. Celui-là, c'est un taout. تفضل إن شاء الله بفوشة. أم إبراهيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. Peut-on se revendiquer salafia si l'on est convaincu par le haqq de ce minhaj, alors que dans la pratique il y a des différences, des déficiences. Enfin, entre parenthèses, pouvez-vous répondre au mail du 15 janvier de Oumanaïs selon vos capacités, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'essaierai inshallah très bientôt, peut-être demain inshallah, de répondre à cet email. Non. Quant au peut-on se revendiquer salafia si on est convaincu par le haqq de ce minhaj, alors dans la pratique il y a des déficiences. Non. Mais c'est un peu vague, cette question est un peu vague et un peu difficile à comprendre, mais je réponds d'après ce que j'ai compris. Non. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est salafi qui ne fait pas des fautes. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est salafi qui ne fait pas des fautes. Mais, yani, s'il fait des fautes et que on le corrige, il revient. Voilà le vrai salafi. Il fait des fautes, on lui dit, ya akhi, ce que tu as fait, c'est une faute. Voilà la vérité. Non, il revient et dit, je me suis trompé. Il revient sur le minage et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est impossible qu'il y ait une personne qui ne fasse pas de faute. Comme a dit le messager d'Allah, il a dit, tous les fils, les enfants de Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui font le repentir. Donc il n'y a aucune personne qui ne fait pas de faute. Soit elle fait la médisance, soit elle ment, soit c'est pas la salat à l'heure, soit qu'il a zina, soit elle vole, soit, mais elle revient vers Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Tandis que y a des autres qui ne reviennent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, et même si on leur montre la vérité, naam, ils ne reviennent pas. Ça, c'est le grave. Ça, c'est la chose grave. Allah ta'ala alam. Naam. Mais si la sœur voulait parler avec plus de détails, peut-être que j'aurais compris d'autres choses. Amatul Haq, c'est à vous, Inch'Allah. Salamu alaikum, Cheikh. Hafizakum Allah, Azza wa Jal. Au dernier cours, vous avez parlé du trône et j'ai été perturbé. Allah est au-dessus de son trône, mais autour d'Allah, y a-t-il quelque chose? Je ne comprends pas, je me pose beaucoup de questions. Et j'ai peur de faire ressembler Allah à ses créatures. Qu'Allah me préserve. Amin. Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quant à la question de Amatul Haqq, qu'elle est perturbée, etc., il faut qu'elle sache que Allah Ta'ala rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'homme, non, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Tout en refutant toute ressemblance, rien ne lui ressemble, ça ne m'empêche pas, moi, c'est-à-dire toi aussi, Sunna ou Jama'a, de quoi? De le décrire avec ce qu'il s'est décrit. Laïsa Kamitlihiché, rien ne lui ressemble, Wa'o Samir ou Bas. Et en même temps, c'est lui l'audient et le clairvoyant. J'ai ici deux attributs d'Allah Ta'ala. L'audient, il entend, le clairvoyant, il voit. J'ai dit il entend, et pourtant je ne l'ai pas fait ressembler. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit qu'il entendait avec des oreilles, ni qu'il a une oreille avec un tympan, ni qu'il a deux oreilles. Non. Quand j'ai dit je... Non. Je sais, mais il est au-dessus de son trône. Non. Il est au-dessus de son trône. C'est qu'il a un espace défini, non? Non, il n'a pas d'espace défini, parce que nous, on imagine, si on pouvait imaginer, il y a tout cet univers. Nous, on voit le ciel derrière nous, on croit que classe, le ciel, c'est le bleu là qu'il y a au-dessus de notre tête. Mais il faut imaginer quand les salafs disent fissama, sama, c'est vers le haut, l'élévation. Ça veut dire, il y a pas, Allah Ta'ala, c'est le plus élevé. Il n'y a rien au-dessus de lui. Abadan, c'est lui le plus élevé. Mais il ne faut pas que je pense en ces choses. Naam, car le hadith a dit, yani, méditer sur les ni'mas d'Allah Ta'ala qu'il y a, yani, les cieux, les mers, les soleils, les étoiles. Mais ne méditez pas en Allah Ta'ala en lui-même, car en fin de compte, on ne va pas arriver. C'est seulement des ouswas. Personne, naam, ne peut yani, comprendre cette chose yani, avec précision et détail. Mais comme ça en général, je dis, Allah Ta'ala ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala, comment se fait-il qu'il puisse grouper entre des choses, yani, des antidotes, des contraires? C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Alors qu'on ne peut pas être premier et dernier à la fois. C'est lui le zahir, c'est lui le batin, et comme ça. Naam, on ne doit pas se poser ces questions. Abadan, on ne se pose pas ces questions sur Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On prend comme ça de l'apparence. On dit qu'il entend, il entend. Il voit, il voit. Il descend, il descend. Il va venir, le yawm al-qiyamah, il va venir. Et comme ça. Naam. Notre entendement est limité pour nous. Naam, notre entendement est limité. Notre raison est limitée. Notre cerveau est limité. Notre cœur est limité. Et comme ça. Naam. On ne se pose pas des questions sur ces choses-là. On dit seulement, Sami'na et on se fait, je me fais, disons, oublier ou là, par les actions. Naam. Fais des actions. Je jeûne, je lis le Coran, j'écoute des doulos, je sais tout ça, pour ne pas donner libre cours à mon esprit qui va penser à ce qu'il veut. Donc je me limite à dire qu'Allah au-dessus de. Naam, c'est tout. Allah Ta'ala est au-dessus du trône. C'est tout ce que je peux dire. Et qu'il descend chaque nuit. Il descend chaque nuit quand c'est le dernier tiers. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, on va dire, s'il descend ici, alors en même temps, comment se fait-il qu'il puisse descendre en Amérique en même temps qu'ici, etc. Et on va rentrer dans les ouest-ouest. Naam. Alhamdoulilah, barakallahu fik, jazakallahu, que Allah te raffermisse davantage. Tfadl, le prochain. Abdallah, cette question ne fait pas partie de la aqida. On a prévenu avant le début du dars que toutes les personnes qui levaient la main et qui n'avaient pas de questions sur la aqida de soit changer la question ou soit de baisser la main. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En principe, Naam, aujourd'hui, comme je dis, on ne parle que de la Aqida. Mais peut-être que, puisque c'est un cas comme ça, il y en a qui sont d'hôpital, etc., peut-être que c'est un cas particulier. Donc je réponds très vite que, il est permis d'autoriser une pierre polie. Naam, il est permis d'autoriser une pierre polie. Il doit être accordé toujours. Non, il se suffit à une pierre, n'importe quelle pierre, il la prend avec lui et il fait toujours le tayammum avec cette pierre. Quand il termine, il sort de l'hôpital, il jette la pierre. Non, et c'est tout. Non, on te fait dans le salon prochain. Je lis la question de Maïssa 223 et après on lit la question de Abou Ishaq 62, Inch'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullah, qu'Allah vous récompense, Shir, et qu'il vous accorde la réussite de ce bas monde et dans l'au-delà. Ma question est, j'ai entendu que les œuvres des personnes converties ne sont prises en compte que lorsqu'ils quittent le pays de Kufr dans lequel ils étaient. Et donc la question est née, c'est de savoir s'il y a une source en cela par rapport au fait que certaines personnes disent que les convertis doivent quitter le pays de Kufr pour que leurs œuvres débutent à partir de la conversion. Tfadal al-Shir. Salam wa rahmatullah. Il y a un hadith authentique. Il y a un hadith authentique en ce sens. Puis ce hadith, je l'avais même mis comme ça de côté pour vous le montrer. Enfin, pas pour vous le montrer, je vous l'ai montré une fois ou deux fois. Pour l'avoir toujours avec moi. Mais j'ai oublié où je l'ai mis. c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani Rahmo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la hijra, il y a des gens qui ont l'intention de la faire, il y a des gens qui ne l'ont pas. Non. Celui qui a l'intention et qui est en train de se préparer, Inch'Allah ta'ala, il rentre pas dans ce hadith. Ou là, celui qui ne savait pas. Il est possible que des gens se reconvertissent en islam, mais ils ne savent pas qu'il y a la hijra. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais entendu ça. Ou là, que d'autres n'ont pas les moyens. Non. Ils sont en train de dire, juste je travaille un peu, j'amasse un peu d'argent, puis je pars. Pour avoir un appartement là-bas, pour avoir ceci, si jamais je ne trouve pas de travail, comme ça. Et on a d'autres qui non, qui disent, moi je ne cherche pas la hijra du tout. Moi je suis là, je suis bien. Ceux-là, non, tout ce qu'ils font est annulé. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah a dit que, yani, je me désavoue, non, je me désengage de tout musulman qui vit entre des maisons de kuffar. Celui-là ici, et le kafir en face, et le kafir derrière toi, le kafir à droite, le kafir à gauche. Tu vas faire tout ton possible, non, pour yani, ce kafir qui est dans la région, c'est ton ennemi. Non. Celui-là, tu vas faire tout ton possible pour ne pas le suivre, pour ne pas l'aimer, tu ne pourras pas. Il est là, il est en face de toi, il te sourit, il te donne des choses, il t'invite à des choses, et tu commences petit à petit à l'imiter, ensuite à l'aimer, ensuite, classe. Si maintenant on parle comme lui, on s'habille comme lui, on commence à l'aimer, classe, on va aimer son dîme et on va rentrer dans son dîme, dans le judaïsme, le christianisme, l'athéisme, ou là. C'est pour ça qu'il faut toujours être loin des kofars. Si jamais Allah Ta'ala a fait descendre sa malédiction, là, tu te trouves, alhamdoulilah, dans un pays où tu es loin de lui d'un côté et où tu peux appliquer ce que tu veux. Maintenant, la sœur, quand elle sort là-bas, elle se sent yani, plus ou moins complexée. Là, il dit des mots, l'autre il fait des clignotants avec ses yeux, l'autre il crache dessus, l'autre il dit c'est quoi ce machin quoi, qu'est-ce qu'il dit des mots. Le barbu, on va dire de lui c'est Ben Laden, l'autre il va. Ben Mohim. Khalid, sans parler des choses yani, obscènes qu'ils disent, etc. Alors maintenant, où est yani, le Adam? Où est la salat en groupe? Où sont les doros? Où sont l'Aïd? Où sont le mouton? Où est le mouton? Où est le... Où... Yani, des milliers de choses qu'il n'y a pas. C'est pour ça que le musulman doit tout faire tout son possible pour quitter Bilad el-Kofr, naam, dès que l'occasion se présente. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal le prochain. Chérie, il y a un frère qui me dit en PV, les actions elles sont en suspens, elles ne sont pas annulées. Wallahu alam, je ne sais pas. Tfadal, cher. En fait, il dit elles sont en suspens jusqu'à ce que la personne quitte le pays de Kufr où elle est. Wallahu alam. Donc c'est bien ça. Donc là, on passe à Abu Ishaq 62. Donc la question est: Salamu alaykoum, cher. Qu'Allah vous préserve. Amin. Est-ce qu'il est vrai que l'ange Djibril, alayhi salam, passera au-dessus du pont Sirat pour sauver des serviteurs avec ses ailes? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Cette chose n'est pas vraie. Djibril ne sauvera personne. Mieux encore, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mieux que Djibril. Vous savez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas te sauver. Ni il pourra sauver sa mère sallallahu alayhi wa sallam, ni son père sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en est-il de toi ou là de moi? Ils sont un étranger par rapport à lui, les étrangers. Donc, Jibril alayhi salam ne pourra sauver personne. Te sauvera seulement tes bonnes actions si tu en as. C'est tout. Naam. Tfadhal. Donc la question de Oumou Esma, Salam alaikum Shir, une sœur demande: va-t-on ressentir les mêmes sentiments dans la tombe que sur terre? C'est-à-dire, va-t-on ressentir l'ennui, la solitude, etc. Jazakumullahu khair. Tfadal Shir. Alaykoum salam, rahmatullah. Nous, on va parler, inshallah ta'ala, du croyant. Hein? On ne parle pas du kafir et ce qu'il attend, et les dragons qui l'attendent, quoi, dans notre temps. Mais on parle du croyant, nam, il ne sentira pas un instant de solitude ni d'ennui. Un instant, il ne le sentira pas. Pourquoi? Parce que d'abord, on va le tapisser du tapis du paradis, l'habiller du paradis, subhanallah al-azim, lui ouvrir une fenêtre, pour qu'il voit sa place dans le paradis, la fenêtre en face de toi, et toi en train de voir ta place. Donc imagine, yani, la joie que tu as, ce n'est pas l'ennui, c'est la grande joie, hein, de voir de la fenêtre que cette chose t'appartient. Tu attends seulement que, quoi, on ouvre la tente pour que tu prennes cette chose. Et n'oublie pas, yani, l'homme qui viendra nous tenir compagnie, si bien sûr on est des pieux, car les bonnes œuvres, comme vous l'avez entendu la fois passée, les bonnes œuvres vont se transformer en une personne. Et c'est cette personne qui te tiendra compagnie jusqu'à ce que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nous fasse venir chez lui. Donc, il n'y a aucun instant de quoi? D'ennui, ou là, de chagrin, ou là. Il est tout joyeux, tout content, tout gai, yani, en train de faire des doigts, yani, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, fasse vite pour le rencontrer et rentrer au paradis et rencontrer sa famille, rencontrer ses enfants, sa femme, son mari et comme ça. Non, t'fadl inchallah le prochain. Ça fait Firouz Dirimi. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. La question est: est-ce que Allah se comportera avec nous comme on se comporte avec autrui, dans le beau sens comme dans le mauvais sens? Qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal, Cheikh. Naam, c'est comme elle dit bi'idna ta'ala, avec la remarque que le verbe Allah ta'ala se comporte, yani, dans la aqida. Il vaut mieux, yani, ne pas employer ce verbe tant qu'il n'existe pas dans la aqida. Je ne sais pas comment il dit se comporter, mais de toute façon j'ai compris ce qu'elle veut dire. L'essentiel, on a compris ce qu'elle veut dire. Yani, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit en islam, on dit Al-jaza'u min jinsi l'amal. Al-jaza'u min jinsi l'amal. C'est-à-dire, comme tu es toi dans ton comportement, tu vas trouver la même chose. Non, tu es bien. Et bien avec les gens. Et bien avec tes parents. Tu vas trouver la chose, mashallah. Sinon, non, tu vas trouver exactement le contraire. Exactement le contraire. Regardez seulement, par exemple, je donne un exemple. Regardez, par exemple, Juraïj. Juraïj, non, c'est un enfant qui, c'est un homme, disons, un jeune homme, qui était en train de faire la prière. En train de faire la prière, Nafila. Sa mère est venue le voir. Hein? Elle l'a appelé, il était au-dessus du minaret. Il était dans la salat. Elle a dit, Jorej, il était dans la salat. Jorej, il a dit, qu'est-ce que je fais? Il se parlait à lui-même. Je réponds à ma mère, ou là, je continue ma salat. Je réponds à ma mère, je continue ma salat. Trois fois. Il lui a pas répondu. Elle a fait des doigts contre lui. Allahumma, yani, elle lui a dit, yani, donne-lui des fitna. Quelque chose en ce sens. Yani, et donne-lui des fitna. Yani, avec les mauvaises femmes. Bien sûr. Et tout le monde connaît que ça lui est arrivé, une grande fitna. El Mohim. Pourquoi? Les savants dit, il a détourné le visage de sa mère. Il a détourné le visage de sa mère en se disant, moi, je continue ma salat. Il a préféré la salat nafila sur sa mère. Alors que répondre à sa mère, c'est obligatoire. Et salat nafila, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Alors, comme il a détourné le visage de sa mère, naam, Allah Ta'ala lui a donné comme épreuve, naam, d'être détourné par une mauvaise femme. Et ça lui est arrivé, l'histoire que tout le monde connaît dans Sahih Bukhari. Et le Mouhim, à la fin de la subhanahu wa ta'ala, l'a sauvé parce qu'il était pur. Une mohème, il se détourne de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le fait détourner dans l'autre sens. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, Allah subhanahu wa ta'ala va, yani, le récompenser, etc. en bien. Et s'il fait quelque chose de mal, là, il se comporte mal avec les gens, etc. Hein? Allah, il ne va trouver que les choses qui sont mauvaises et comme ça. Wallahu ta'ala alam, naam. Et je donne le micro naam, maintenant au frère Abou Marwan, parce qu'il a quelque chose à dire à propos d'un certain converti, Wallahu alam. Ensuite, c'est Islam Dini. Tfadl Abou Marwan. Bismillah, salam alaykoum wa rahmatullah. Excusez-moi, normalement, il faut lever la main, attendre chacun son tour. Mais là, ce que j'ai à vous raconter, c'est très, très important. Et je vais essayer, Inch'Allah, d'être très rapide. En fait, voilà, moi, où j'habite, j'ai un voisin. C'est un vieux monsieur. Il est né en 1916. Il a 92 ans. Il vit tout seul. Il est handicapé. Il n'a pas de famille. Il n'a qu'une femme qui a Bibi, ils ne peuvent pas se. Et ce monsieur, plus les jours. Donc, non, vous m'avez demandé, cher, ce monsieur, c'est un musulman. Je vous ai dit non, ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien. Mais quand même, moi, j'ai gardé un bon comportement avec lui, toujours quand j'ai pu l'aider, lui faire ses courses, lui remplir ses papiers, etc. Même lui serrer un boire un avec lui. Pourquoi je vous parle de ça ce soir? Parce que vendredi, je suis rentré à la maison, j'ai fait la douche, je me suis fait tout beau pour aller à la mosquée pour la salat de Jamoua. Et comme j'avais une petite demi-heure d'avance, j'ai dit, je vais aller chez le voisin pour voir si ça va mieux. Et quand je suis rentré chez lui, écoutez bien, Chir, hein, boire un coup, un café, un café, hein, un café, pas un whisky. Boire un coup, un café, hein. Un café, pas un whisky. Hein. Donc, et vendredi, quand je me suis préparé pour aller à la mosquée, pour la salat de Jamoua, qui est une salat obligatoire pour tout homme musulman, je me suis arrêté parce que j'avais 30 minutes d'avance pour aller chez mon voisin, voir si tout se passe bien parce qu'il était malade depuis mercredi. Écoutez bien, cher, je le trouve dans son lit, il est allongé, il est à moitié mort. Il voit plus rien, il entend plus beaucoup, il arrive à peine à parler, il est en train d'agonir. Et je lui dis, est-ce que vous m'entendez? Il me répond, oui, je vous entends. Est-ce que vous me reconnaissez? Il me dit, oui, je vous reconnais. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais mourir. Écoutez bien, il me dit, je vais mourir. Je lui dis, est-ce que vous voulez aller au paradis? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, pourquoi vous voulez aller au paradis? Il m'a dit, je veux aller au paradis avec Jésus. Je lui ai dit, monsieur, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Si vous voulez aller au paradis avec Jésus, écoutez ce que je vais vous dire et vous allez aller au paradis avec Jésus. Moi, je suis musulman et moi aussi, je veux aller au paradis avec Jésus. Écoutez-moi bien, monsieur. Dites, il n'y a qu'un seul Dieu. Il a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus est un messager de Dieu. Il a dit, Jésus est un messager de Dieu. Dites, Mohamed est le messager de Dieu. Il a dit, Mohamed est le messager de Dieu. Le Dieu s'appelle Allah. Il a dit, le Dieu s'appelle Allah. Et sa mâchoire, elle s'est bloquée. Et depuis, il est dans son lit. Et il est en train de gémir. Et il pousse des cris. Et il voit plus rien. Il n'entend plus rien. Et les dernières paroles qu'il a prononcées, c'est, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus est un prophète. Mohamed est le messager de Dieu, le Dieu s'appelle Allah. Moi, la question que je veux vous poser, Chir, parce que j'en ai plusieurs, c'est premièrement, est-ce que j'ai bien fait de rater? Parce que le temps de faire tout ça, ça a pris, de lui faire dire tout ça, moi, ça m'a pris 1 heure et demie environ. Le temps de lui expliquer tout ça, que Jésus, c'est pas le Dieu, c'est un prophète, etc. Ça m'a pris 1 heure et demie et j'ai raté la salat de Jamoua. Parce que moi, j'ai fait un ijtihad dans ma tête, j'ai dit. Si je rate la salat de Jamoua qui est obligatoire, bon, peut-être je vais avoir un péché, mais Inch'Allah, si Allah il veut, la semaine prochaine, je vais faire encore salat de Jamoua, la semaine d'après. Mais ce monsieur, il va mourir là, maintenant. Son âme, si elle part, il va y aller dans l'enfer pour toujours. Et si je peux le sortir de l'enfer, Inch'Allah, c'est maintenant. Donc j'ai fait un ijtihad dans ma tête, j'ai raté la salat de Jamoua pour faire la da'wa à ce monsieur, au moins qu'il meure, la dernière parole qu'il a dit. C'est la shahada, mais même si c'était en français, c'est pas en arabe. Donc la première question, c'est est-ce que j'ai bien fait de rater la salat de Jamoua pour cette da'wa-là? Est-ce que l'avantage et l'inconvénient, il vaut le coup? Et la deuxième chose, c'est que toute cette conversation-là que je vous raconte, chir, je l'ai filmée. J'avais mon téléphone portable qui fait caméra. Je l'ai branché, je l'ai filmé. J'ai tout filmé, toute la conversation. Et ma niya, c'était d'utiliser cette vidéo un jour pour la da'wa, pour montrer à des gens, pour montrer à des jeunes, regardez, ce monsieur-là, 92 ans, il a vécu toute sa vie, aucune prière, aucune prosternation, aucun soujoud, aucun ramadan, aucun jour de jeûne, il n'a fait aucune action de l'islam. Et avant de mourir, Allah, il lui envoie un musulman qui lui accorde du temps pour lui faire dire la shahada. Est-ce que, cher, j'ai le droit d'utiliser cette vidéo pour faire la da'wa à des gens, à des jeunes, leur dire, regardez, lui, il rentre dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme, il fait toute sa vie les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il reste un pas entre lui et la mort. Et Allah, il lui fait faire une action des gens du bien. Il meurt dans cet état et il finit avec les gens du bien. Et vous connaissez la suite du hadith. Il y a des gens qui font les actions des gens du paradis toute leur vie jusqu'à ce qu'il reste un pas entre eux et la mort. Et ils font une action des gens de l'enfer. Ils meurent dans cet état et ils vont en enfer. A'oudou billah. Donc, chers, mes deux questions qui sont très importantes, c'est de savoir, est-ce que j'ai bien fait de rater la salat de Jamoua pour cette cause-là? Et est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette vidéo parce que c'est une da'wa ajib quand même, un homme en train de mourir qui toute sa vie, il a 92 ans, subhanallah, il a presque fait un siècle entier. On n'était même pas né, mon père il n'était pas né, ma mère elle n'était pas née, mon grand-père c'était un bébé que lui, subhanallah, il a vécu toute sa vie sur terre, jamais l'islam, et avant de mourir, il a dit la. Subhanallah, subhanallah, j'aimerais bien que, cher, vous m'éclairez sur ça, inshallah. Est-ce que c'est correct d'utiliser cette vidéo ou pas du tout? Salam alaikum, barakallahu fikum, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord, il faudrait savoir qu'en règle générale, non, il est permis de ne pas aller à la salat du mois si c'est, il y a des causes, s'il y a des causes. Entre les causes qui permettent de ne pas aller à la salat Jumu'ah, entre autres bien sûr, c'est d'assister le malade. Comme l'a fait Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui n'est pas allé à la salat Jumu'ah à cause d'un malade. Maintenant, celui-là c'est un malade, ensuite c'est un voisin, et ensuite il n'a personne qui l'assiste. Et on ne va pas dire c'est un kafir, donc. Il n'a rien à voir, mais on va dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même allait rendre visite au kuffar, qui ne connaît pas l'histoire dans Sahih al-Bukhari où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé rendre visite à un juif malade. Et il a trouvé son père devant lui. Il a profité, il lui a dit, alayhi sallam, yani embrasse l'islam. Et le jeune juif a regardé son père. Ça veut dire. Je ne sais pas, il y a mon père en face de moi, j'ai peur, je ne sais pas ce que je dis. Son père lui a dit, obéis à Aboul Qasim. Aboul Qasim, c'est le messager de là. Obéis-lui. Et, bien sûr, il a fait la shahada et il est rentré en islam. Donc, même le kafir, hein, même le kafir, c'est de la sunna d'aller lui rendre visite quand il est malade, si on a la niya de lui parler de l'islam. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis obligé de lui parler le premier jour. Il est possible que j'aille le premier jour et ensuite je commence à ouvrir la discussion avec lui. Et ensuite, deuxième, troisième jour et yani une semaine. Et ensuite, je vois que c'est le moment propice. Je lui yani, suggère de rentrer en islam. Moi-même. Quant à la vidéo, Inch'Allah Ta'ala, tu peux tu peux l'utiliser, Inch'Allah Ta'ala, car c'est dans un but de la da'wah. Et maintenant, la plupart des ulama yani, utilisent la vidéo, etc., pour la da'wah. Je voulais savoir seulement, quand il a dit que le Mohammed alayhi salam salam, c'est le messager, je reconnais qu'il est le messager d'Allah, est-ce qu'il a reconnu que c'est lui le dernier messager, ou est-ce un messager yani, comme tous les autres, mais c'est Isa yani, qu'on doit suivre? Ou bien a-t-il reconnu que c'est le dernier messager, c'est-à-dire que c'est celui qu'on doit suivre. Tfadhal. Salam alaykoum, cheikh. En fait, cet homme, la aqida qu'il a dans son cœur, c'est que Jésus, c'est pas le Dieu. Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Jésus, c'est un prophète qui a été envoyé par un Dieu qui s'appelle Allah. Et que les Arabes, ils ont reçu un prophète qui s'appelle Mohamed. Et que cet homme-là, Mohamed, eh ben, c'est un vrai prophète et sa religion, c'est une vraie religion. Après, moi, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, le dernier prophète et ces choses-là. Pourquoi? Parce que déjà, il n'entend pas bien. Il fallait que je parle fort pour qu'il comprenne les choses. Déjà, pour lui faire répéter la shahada, c'était difficile. Quand je lui disais, dites, Mohamed est le messager d'Allah, il disait, Mohamed, et criait comme ça pendant 10 minutes. Après, je le faisais recommencer, recommencer, recommencer, recommencer, recommencer, jusqu'à ce qu'il a dit, Mohamed est le messager. Après, il s'est taisé, respiré de Dieu. Vraiment, cher, c'était une situation. Inch'Allah, je vais vous envoyer la vidéo. Vous allez voir que ce n'est pas une situation habituelle où on a quelqu'un en face qui a toute sa tête, qui pose des questions, qui comprend ce qu'on lui dit. Là, c'était quelqu'un, il est mourant, il est en train de souffrir. Lui faire répéter cette phrase, dire cette phrase, c'était pour lui, c'était un calvaire, c'était très, très dur. Sa bouche. Et sa mâchoire, c'était très, très, très, très, très dur pour qu'elle prononce cette phrase. Et aussi, cher, il y a un moment à la fin, j'ai pas compris, à un moment, il m'a dit, Monsieur, est-ce qu'il y a un ange avec nous maintenant? Après, moi, je voulais pas, j'ai essayé de rentrer dans les détails que l'ange de la mort, il va venir, il va vous poser trois questions, faut pas se tromper dans les réponses et tout. Mais après, il fermait les yeux, il poussait des cris, il avait mal, il n'a pas entendu. Alhamdoulilah, déjà, il a dit la shahada. Et donc, Cheikh, la dernière question, c'est maintenant cet homme, il va être enterré dans un cimetière de chrétiens comme les chrétiens. Est-ce que la question que je veux savoir, c'est maintenant, c'est est-ce que cette dernière parole qu'il a dit, est-ce qu'elle peut le faire rentrer dans le paradis? Est-ce qu'on doit le considérer comme un musulman? Est-ce que je peux faire des doigts pour lui? Est-ce que je peux, avant qu'ils emmènent son corps, lui faire le lavage mortuaire? Est-ce que. Toutes les choses qui concernent les droits des musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui on le considère comme un musulman parce qu'il n'est pas mort, hein? À 21h15, j'étais encore avec lui, il était en train d'agoniser. Agoniser, agoniser. On dirait que son dernier souffle, il va arriver dans un instant. Subhanallah. Ça se trouve là, à l'heure où qu'on parle maintenant, ça y est, déjà, il est mort. Je vais aller voir après quand le cours il est fini, s'il est encore vivant ou s'il est mort. Allahu alam. De toute façon, il n'est pas mort. Ah, tayyib. Parce qu'il est dans le dernier stade. Al-Mohim. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il est musulman, ce qu'il n'est pas, ce qu'on doit laver, on ne doit pas, on fait la prière sur lui, on ne fait pas. Tout dépend de Naam. Est-ce qu'il, justement, c'est ça le difficile. Est-ce qu'il a reconnu que Mohammed Ali sallam, c'est le dernier messager? C'est-à-dire que avec son message, il a abrogé toute la charia des autres messagers, hein, toute la religion des autres religions, si je puis dire, des autres messagers, ou là, ou bien il a dit seulement que Mohammed c'est un messager, le messager des Arabes, c'est-à-dire que ce n'est pas, entre parenthèses, ce n'est pas notre messager, le Mohim. Cheikh, Allah connaît cette réponse. Dame. Mohim, moi ce que je veux vous dire, Inch'Allah Ta'ala, surtout vous, quand vous tombez avec des chrétiens, surtout, et que vous leur faites la da'wah, nam, il faut que vous leur expliquiez, nam, non pas comme certains font beaucoup la faute, ils leur disent, dites que Mohammed, par exemple, c'est le dernier messager. Ou là, c'est un messager. Et ils croient que avec cela, ils sont rentrés en islam. Le chrétien ne rentre pas en islam en reconnaissant que Jésus, en reconnaissant que Mohammed est un messager, il n'est pas encore entré en islam. Mais il faut que il se désavoue et dise, j'atteste que Isa, c'est-à-dire Jésus pour eux, Isa est un serviteur d'Allah, Abdullah est son messager. Et que Mohammed, c'est le dernier messager. Parce qu'il peut dire Mohammed, c'est le dernier messager, mais ce n'est pas pour moi, c'est le messager des Arabes. Naam. Eux, ils ont un messager qui s'appelle Mohammed et nous, on a Isa. Non. Isa, naam, ce n'est pas le fils d'Allah, c'est un serviteur d'Allah et un messager, mais le dernier qu'il faut suivre, c'est Mohammed. Comme ça, il doit dire pour qu'il rentre en islam. Al-Mohim, est-ce que. Yani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que. On doit. Le laver, etc. On le lave, etc. Quand on est sûr. Non, quand on n'est pas sûr, yani, on le laisse comme ça, car on n'est pas sûr de ce qu'il a dit. Déjà même, je t'ai entendu dire qu'il a dit que Mohammed, c'est le messager des Arabes. Je t'ai entendu dire qu'il a dit que Mohammed était le messager des Arabes. Non. Mais Allah Azzawajal, yani, c'est lui qui détient la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Non. Islam dini, tafadhal. Islam Dini, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous nous apportez. Amin. Je voudrais savoir si une personne meurt non voilée, combien de temps passera-t-elle en enfer? Et aussi, mon frère a arrêté de faire la prière. Faites-lui une nasiha. Il écoute actuellement. Barakallahu fikoum. Et désolé pour les deux questions. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Quant à la personne qui n'est pas voilée, combien qu'elle restera en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique qu'elle n'entrerait pas au paradis, ni ne sentirait son odeur. Les savants ont dit, il a dit comme ça, vraiment pour faire peur et vraiment pour que la musulmane, quand elle entende cette chose, qu'elle ait vraiment peur. Il est vraiment peur de perdre le paradis. Alors, quand elle craindra Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura peur, alors elle se voilera. Maintenant, quand Allah azzawajal va la faire rentrer, combien de temps va-t-il la garder à l'intérieur avant de la faire sortir et de lui pardonner si elle est musulmane? Je ne sais pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Quant à celui qui ne fait pas la prière, je voudrais lui dire. Cher frère, ce que tu fais là, c'est vraiment grave. Naam. Il n'y a pas plus grave que quoi? Que de ne pas faire la prière. Car quand la personne meurt, la première chose que Allah Ta'ala, sur laquelle va te poser des questions, c'est la prière. Si tu l'avais faite, naam, même si elle est manquante, Allah Ta'ala demandera aux anges de la réparer, de la rapiécer avec les nafilas, avec la prière surrogatoire. Mais si quelqu'un meurt et il n'a pas la prière avec lui, celui-là, dans la tombe, ça va être vraiment difficile pour lui parce qu'il n'y a pas la prière qui va le sauver. Car c'est dans un hadith que quand le mal essaiera de venir du côté de sa tête, la prière va lui dire, laissez-le. Aux anges, laissez-le. Hein, pourquoi? Je suis là, il y a la prière. Donc celui qui n'a pas la prière, c'est vraiment grave pour lui dans la tombe. Alors que quand il rencontrera Allah Azzawajal, c'est vraiment, vraiment grave pour lui. Au point où, non, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous fera venir, yani, avant de commencer à nous questionner sur la salle, etc., la première des choses, quand on le voit, il va nous demander tous de faire une prosternation. Une prosternation. Et cette prosternation, personne ne pourra la faire s'il ne faisait pas ici la salat. S'il ne se prosternait pas ici, jamais il ne pourra se prosterner là-bas. Alors imagine, mon frère, tout le monde prosterné au Seigneur, le Seigneur de l'univers, et toi debout. Toi, et bien sûr, Inch'Allah, tu ne seras pas deux, mais comme ça, des gens debout, hein, et qui essayent de se prosterner, ils vont tomber sur leur dos. Car Allah Ta'ala va faire de leur colonne vertébrale une barre de fer. La barre de fer, hein, ils vont tomber comme ça sur leur dos. A'oudhou billah. Hein. On n'oublie pas que lorsque Allah Ta'ala parlait des gens du paradis, qu'ils allaient rendre visite aux gens des kuffars, ils vont leur dire. Qui vous a fait tomber en enfer? Tu sais qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont pas dire on a volé, ni on a menti, ni on a fait la zina, ni on a tué des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Lamnakum min al-musallin. On n'était pas de ceux qui faisaient la prière. Lamnakum min al-musallin. Qui a dit ça? Les gens qui sont en enfer vont dire ça aux gens qui vont être au paradis. Ça veut dire, si jamais tu meurs comme ça, ta sœur viendra te dire, Yom al-Qiyama, qui t'a poussé? Qu'est-ce que tu as fait pour être là? Tu répondras, parce que je ne faisais pas la salat. Cher frère, c'est vraiment grave. si tu meurs sans salat. Et attention au shaitan qui va te dire que tu vas vivre, mashallah, tu vas vivre encore 50 ans et 60 ans. Laisse, inshallah, quand tu auras 40 ans, tu vas au Hajj, tu vas te laver là, tu vas te laver là-bas, tu lèves tes os avec shampoing, avec ça, mashallah, et tu reviens propre, et tu commences la salat. Attention, il te dit comme ça. D'ici 5 minutes, on ne sait pas ce qui va arriver. Un tremblement de terre, un arrêt cardiaque, une asphyxie, le gaz, une voiture, on tombe d'un immeuble, on ne sait pas ce qui peut se passer. Quelqu'un peut nous poignarder dans le dos, on ne sait pas ce qui peut se passer. Non, il faut toujours être prêt à chaque minute et de se dire, peut-être je vais mourir dans 5 minutes, peut-être je vais dormir, je ne vais plus me réveiller. Le matin, tu dis, peut-être je ne vais pas vivre pour le soir. Le soir, tu dis, peut-être je ne vais pas vivre pour demain. C'est comme ça, le vrai musulman, c'est comme ça, le pieux, c'est comme ça, celui qui a peur d'Allah Azzawajal. Quant à l'autre, le shaitan va lui dire, n'aie pas peur, toi, mashallah. Il te reste 30 ou 40 ou 50 ans à vivre. Regarde, ton père, il a vécu 70 ans, mashallah. Vous êtes tous de la même famille, c'est héréditaire. Toi aussi, tu vas vivre, mashallah, 70. Tu vas même le dépasser. Et ensuite, si tu mourais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as brûlé les mosquées, toi? Tu as tué les gens? Tu n'as rien fait. Tu es, mashallah, quelqu'un de très gentil. Tu es connu dans le quartier, mashallah. Gentil, tu rends le bonjour, comment allez-vous, messieurs? Ça va, alhamdoulilah. Tu es très gentil. Toi, tu vas aller directement au paradis. Tu n'as même pas besoin de prière. Comme ça, il va te dire. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Atfadl talib al-'ilm ou l'autre, celui d'après. Talib al-'ilm. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Qu'Allah vous guérisse et vous récompense. Amin. Que pensez-vous de l'interprétation des rêves? Parce qu'une sœur a fait un rêve où elle se voyait morte, mais consciente. Je pense que c'était son âme. Allahu alam. Elle est pas... Mais elle attendait une chose et elle s'est réveillée. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Non. Tout ce que je peux dire, c'est tellement compliqué les rêves. Ensuite, l'interprétation, ça a tellement besoin de science. Non, car ce n'est pas n'importe qui va interpréter les rêves, comme vous le savez. C'est pour ça que dans Sourate Yusuf, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eftouna, eftouni fi ru'yay. Qu'a dit le roi? Eftouni fi ru'yay. Il n'a pas dit interpréter, il a dit donnez-moi une fatwa, subhanallah, je cherche une fatwa dans mes rêves. Eftouni fi ru'yay. Le mohim, c'est tellement interdit que, ou c'est tellement difficile que, ce n'est pas n'importe qui peut faire cela. Ce n'est pas n'importe qui peut faire cela. C'est pour ça, mais je peux lui dire à cette personne en général. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, bien azawajal, que yani, elle ne doit pas avoir peur. Elle ne doit pas avoir peur et se dire, par exemple, que puisque j'ai vu que j'allais mourir, donc je vais mourir ces jours-ci. Il y a certaines personnes qui ont le wes-wes. Elles ont dit, puisque j'ai vu comme ça, donc peut-être qu'il ne me reste pas beaucoup. Pour rassurer cette personne, je lui dis que moi, ça fait 20 ou 25 ans, ou peut-être plus, hein, Je me suis vu en train, yani, non seulement de mourir, mais en train d'être lavé. Je me suis vu sur la planche sur laquelle on lave le mort, et j'ai senti même les mains. J'ai senti les mains de ceux qui me lavaient. C'est comme si j'étais comme ça, yani, conscient. Les mains de la personne qui me lavait, même maintenant quand j'y pense, yani, je la sens par là, cette main qui me touchait comme ça. Eh bien, cela fait combien de temps? Cela fait 20 ou 30 ans et je suis encore vivant. Donc toi aussi, Inch'Allah Ta'ala, si tu as vu cela, n'aie pas peur. Et que, moi, ça fait 20 ou 30 ans que j'ai vu cela et c'était quelque chose. C'est comme si tu es devant moi pour dire que c'était un songe véridique. Ce n'est pas quelque chose de shaitan et je ne suis pas mort, alhamdoulilah. Donc ce n'est pas toute personne qui se voit morte qu'elle va mourir. Mieux que cela, les savants ont dit, quand quelqu'un se voit mourir, c'est un bon signe. Quand quelqu'un se voit mort, c'est un bon signe. Ils ont dit pourquoi? Parce que mourir, c'est quoi? C'est revenir vers Allah. Donc, en se voyant mourir, ça veut dire que tu vas faire la tawba, le repentir et revenir vers Allah. Wallahu ta'ala alam. Tfadla le suivant. El Nour, à vous, Inch'Allah. Salamu alaykum, Cheikh. Quelle est la meilleure façon de faire da'wah pour Ahlul Sunna wal Jama'a. Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Un jour, inshallah ta'ala, rappelez-moi comme ça à l'avance, je vous ferai un dars spécialement dans la façon de faire la da'wah. Mais, d'ici là, je voudrais vous résumer très vite que pour faire la da'wah, premièrement, il faut avoir la science. Car celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. Moi, par exemple, qui ne comprends rien en chinois, est-ce que je peux apprendre aux chinois des choses? Je peux leur rien apprendre, je ne connais pas leur langue, par exemple. Je ne connais pas la médecine. Est-ce que je peux faire, par exemple, comment on dit ça, une réunion avec les médecins et leur parler comment on fait une opération, par exemple, du cœur, quand je n'ai jamais étudié médecine? Je ne peux pas, ça, c'est pas possible. La même chose pour la dawa. Tu vas leur parler de quoi? Tu vas leur parler du din, dans le din. Or, tu n'as pas de science. Comment tu vas parler? Tu vas dire n'importe quoi. Ce qui est licite, tu vas dire il est illicite. Ce qui est sunna, tu vas dire ce qui est bid'a. Ce qui est bid'a, tu vas leur dire ça se fait. Naam, ce qui fait rentrer en enfer, tu vas dire ça fait rentrer au paradis. Et comme ça. Être envers les... Mazel, c'est, je parle de la première condition. La première condition, c'est quoi? C'est la science. C'est pour ça que vous remarquez que les tablirions, pourquoi on les critique? On les critique parce qu'ils n'ont pas de science. Et ils veulent faire la dawa. Tu fais la dawa, tu n'as pas de science. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Toi-même, tabliri, tu ne connais pas la aqida. Tu n'as jamais étudié la aqida. Tu connais seulement quelques hadiths de Riyad Salihin. Comment tu peux apprendre aux gens? Deuxièmement, il faut quoi? Il faut avoir la sagesse et la douceur. La douceur dans la da'wa et la sagesse. Ne pas brusquer les gens. Ne pas les blesser. Ne pas les forcer. Naam. Mais, yani, parler avec sagesse. Avec, yani, mashallah, avec douceur. Car le messager d'Allah a dit que chaque chose qui contient la douceur, Allah Ta'ala fait ramener du bien avec cette chose. Et chaque chose qui ne contient pas de douceur, elle ne donne pas la hikmah. Elle ne donne pas la hikmah. Et, inshallah ta'ala, il y a beaucoup de conditions, bien sûr. Il faut la patience, il faut aussi la puissance, car celui qui ne peut pas, il ne peut pas faire la dawa. Mais, inshallah, rappelez-moi, je vais vous faire un tas spécialement sur l'inshallah ta'ala. A tfadla le prochain. L'islam bouliya. Tapez un lorsque la question est terminée, inshallah. Assalamu alaikum. Quelqu'un qui possède le livre d'Ora de Sania m'a dit que dedans les élèves de Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah faisaient le takfir de l'Empire Ottoman qui était le khilafa de l'époque et les ont même combattus et que beaucoup de savants les ont qualifiés de khawarij car ils faisaient le takfir du calife de l'époque. Pourquoi aujourd'hui on les prend comme référence alors qu'ils faisaient le takfir du gouverneur de tous les musulmans? J'aimerais comprendre pourquoi eux ce sont des imams, mais les savants qui ont suivi en déclarant certains gouverneurs de kafir aujourd'hui sont traités de takfiri. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Beaucoup de gens profitent des gens qui n'ont pas de science et qui n'ont pas beaucoup étudié dans la charia. Pourquoi? Pour leur faire passer des choses qui ne sont pas vraies en fait. Ou là, des choses qui sont vraies, mais relativement. Pas complètement. Je donne un exemple. Mohamed Ben Ibrahim, très connu, le cheikh de Saadi, le cheikh Saadi lui-même, cheikh de Cheikh Ben Outaymin Rahmo. Ils disent de lui, par exemple, que il disait que les gouverneurs étaient des kofars. Ou là, le gouverneur qui ne juge pas avec l'islam est un kafir. Bien. On va chercher maintenant cette fatwa, on va la trouver. On va trouver le grand éminent savant, cheikh de Cheikh Ibn Uthaymin. Le cheikh de Cheikh Ibn Uthaymin disait que celui qui ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. Donc, moi, qui n'ai pas de science, et comme beaucoup d'autres, on va montrer ça avec le tome, la page. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, celui-là, il faisait les takfir. Et c'est un grand savant, donc le vrai, c'est de faire le takfir aussi. Mais, Qu'est-ce que je cache aux gens? Qu'est-ce que je cache? Je cache aux gens que ce grand savant s'est rétracté et désisté et a fait sortir une autre fatwa où il se désavoue lui-même de ce qu'il a dit et où il dit que yani, الحق, il faut revenir vers le haq. Naam. Ce n'est pas toute personne qui ne juge pas avec l'islam qui est devenue kafir. Vous voyez? Regardez maintenant la différence entre quelqu'un qui est de Ahl-Sunna, qui quoi? Qui te montre ce qu'il a dit auparavant et ce qu'il a dit à la fin. Naam. Regardez, compare avec celui-là et compare avec celui qui te cache la vérité. Il va te montrer seulement ce qu'il a dit quand il était jeune. Quand il a commencé à faire des études, regarde ce qu'il a dit. Il a dit les kafir. Mais il te cache qu'à la fin, il s'est résisté, il s'est désisté, il s'est rétracté. Et voilà la fatwa, et voilà son numéro, voilà la page. La même chose, c'est pour Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils disent qu'il a dit ça. Supposons qu'il l'ait dit. Et que tel gouverneur, il a dit de lui, il est kafir. Non. Il y a aussi des cas de Témur qui ont fait. Non, ils ont fait le kuffar des Tatars. Ça, les Tatars ne croyaient ni en Allah ni rien, mais ils faisaient ça seulement comme apparence. Ils faisaient ça seulement comme en apparence. Cheikh l'Islam, plus d'une fois, il a descendu des kuffar des Tatars. Ça, et il prenait de l'islam seulement quoi? L'apparence. Ni le Ramadan, ni Zakat, ni le Hajj, ni Salat, ni rien des Tatars. Non. Donc, je disais, Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est très connu. Pourquoi vous ne lisez pas le livre où il dit personne ne devient kafir que naam, tant qu'il a prononcé la shahada. Et quand il dit que je ne dis que personne n'est un kafir. Sauf quoi? Sauf s'il y a unanimité pour dire qu'il est kafir. Pourquoi? Des choses pareilles, on les crache aux gens et on ne les montre pas aux gens et on prend seulement yani, des choses où, par exemple, Si on est véridique, on aime la vérité, on doit tout montrer aux gens. C'est pas on montre seulement un côté, c'est comme à peu près ceux qui disent, ceux qui veulent se baser sur le verset, celui qui ne juge pas avec la charia, il est kafir. Et il cache aux gens que Allah Ta'ala a dit aussi qu'il était seulement pervers et qu'il était seulement injuste. Il leur dit seulement, celui qui ne juge pas avec Allah est kafir. Qui a dit ça? Allah Ta'ala a dit qu'il est kafir. Il n'a pas dit aussi qu'il est injuste, qu'il est pervers. Pourquoi on cache ça? On montre seulement le verset où il a dit qu'il est quoi? Qu'il est kafir. Ensuite, ceux qui disent que celui qui ne juge pas avec Allah Ta'ala est kafir. Pourquoi? Pourquoi ils disent que ça, je ne parle pas de toi, Islambouliya. Je ne parle pas de toi. Je parle des gens qui font cela. Pourquoi? Non, pourquoi les gens ou ceux qui disent cela? Pourquoi, par exemple, ils ne généralisent pas. Pourquoi ils disent c'est seulement les gouverneurs? Celui qui, Allah Ta'ala dit dans le Coran, celui qui ne juge pas avec l'islam, men, en arabe c'est men. Min siyar al-mala, siyar al-umum. Yani, ça donne, yani, globalité, men. Comme il a dit, par exemple, men ya'mal su'an yulzabi. Il a dit, celui qui ne juge pas avec l'islam est kafir. Pourquoi? On va dire c'est seulement les gouverneurs. Pourquoi on ne dit pas toute personne qui ne juge pas avec l'islam est kafir? Pourquoi moi et toi et lui et X, naam, s'il ne juge pas avec l'islam dans sa maison, ou là dans ses habits, ou là dans ses dires, ou là dans son comportement, pourquoi on ne dit pas de lui il est kafir alors qu'il ne juge pas avec l'islam? Est-ce celui qui ne fait pas la prière, il a jugé avec l'islam? Est-ce celui qui ment, il a jugé avec l'islam? Est-ce celui qui médit, il a jugé avec l'islam? Est-ce celui qui tue les gens, il a jugé avec l'islam? Naam. Si quelqu'un va dire, mais le verset, yani, c'est pour les seulement, quoi? Pour seulement les gouverneurs. On va lui dire, dans le délil que le verset parle seulement des gouverneurs. D'ailleurs, le verset lui-même, il est descendu. Pourquoi? Parce que deux juifs ont fait la zina. Et quand ils sont allés chez le messager d'Allah, ils ont voulu cracher le verset où il est dit qu'ils doivent être lapidés s'ils sont mariés. Ils ont dit chez nous, quelqu'un qui fait la zina, on lui noircit son visage seulement avec le charbon et on le frappe ou là on le fait sortir de la ville, c'est tout. Et Allah Ta'ala fait descendre le verset, ceux qui ne jugent pas avec la charia, Naam, sont des kuffars. Ça veut dire vous les deux, quand vous avez dit que la zina, yani, on ne doit pas lapider, vous n'avez pas jugé avec l'islam. Et ces deux-là n'étaient pas des gouvernants, c'était des juifs, des personnes comme nous tous. Al-Muhim, qu'Allah Azza wa Jalla nous apprenne notre religion. Tu as encore une question? Cette question, elle est, de toute façon, c'est une question de fiqh. Donc cette question, si vous pouvez la poser le mercredi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.